Ah bah Dieu a un nom, John Huguenholz, c'est un pilote hollandais. Et Patrick, on connaît bien Hans, hein, donc c'est un hommage à lui rendre aussi chaque année, parce que quand on voit parfois les tracés un peu aseptisés que l'on trace aujourd'hui, eh bien on est ravi de revenir sur ce tracé qui est vraiment un challenge extraordinaire pour les pilotes. Oui, quand on parle de John Huguenholz senior, on peut aussi penser à Zandvoort, on peut penser à Spa, Nivelles et puis d'autres tracés aussi assez mythiques, mais toujours dans l'esprit, toujours dans la fibre du célèbre architecte. Allez, on revient sur ce tracé. Les premiers temps commencent à tomber dans cette Q1. Vous le savez, elle dure 18 minutes. Il reste un peu moins de 14 minutes. On va éliminer naturellement les 6 pilotes les moins rapides. Alors des nouvelles avant d'entrer dans le sportif, Louis, et des nouvelles et pas terribles hein, pour Renault, puisque James Allison, on en parlait depuis des mois, et j'en avais parlé avec Cyril Abitboul, on espérait encore convaincre le technicien britannique en partance de Ferrari de venir chez Renault. Eh bien c'est non, Louis. Oui. Voilà, il ne viendra pas, James Allison, chez Renault. Mauvaise nouvelle pour la marque française. J'ai presque envie de dire une mauvaise nouvelle de plus parce qu'elle s'accumule. Oui. On peut citer Sergio Pérez, hein, dont on annonçait la semaine dernière la prolongation chez Force India pour une saison supplémentaire. Il était convoité de très près par Renault. Fred Vasseur en avait même fait une priorité après des discussions très avancées. Faute de certitude quant à l'avenir de l'équipe et quant à son management, surtout Sergio Pérez avait préféré décliner, au point qu'aujourd'hui Renault est dans l'incertitude absolue concernant ses pilotes pour la saison 2017. Pour information, Renault a jusqu'au 14 octobre pour décider de l'avenir de Kevin Magnussen, hein, par exemple, jusqu'au 14 pour dire s'il le garde ou le remercie. Cette date butoir a déjà été repoussée deux fois par la marque française. C'est dire si les atermoiements se prolongent. Oui, c'est dire qu'il restera 5 jours après ce Grand Prix du Japon. Autant dire, c'est dans la semaine qui suit. Allez, qu'on se dirige vers un Magnussen Ocon. Moi, ça m'étonnerait pas. Je vais mouiller, hein, Patrick, moi aussi. Et puis, dans les mauvaises nouvelles du côté des pilotes français, notamment de Romain Grosjean, c'est les problèmes de frein qui continuent à s'accumuler pour Romain, Patrick, après sa sortie de piste qui aurait pu être dangereuse lors du dernier Grand Prix en Malaisie. Là également, il a eu de gros problèmes en essai. Ouais, toutes les sorties de piste sont dangereuses ici à Suzuka. Mais en ce qui concerne Romain, il semblerait qu'ils aient mis le doigt sur l'origine du problème et que ce soit en partie résolu maintenant. Allez, on y croit. On revient rapidement alors que les temps tombent. Voilà, c'est Rosberg le plus rapide maintenant en 1.31 et 858 millièmes. C'est-à-dire qu'il est plus rapide d'environ 2 dixièmes que le temps réalisé en essai libre 3. Ben, c'est simple, hein, là. L'homme qui a dominé toutes ces séances d'essai libre, Louis, c'est bien Nico Rosberg. L'homme qui est en tête du championnat du monde avec 23 points d'avance sur Hamilton après sa rupture de moteur. Exactement, Nico Rosberg qui a donc signé, tu l'as dit ce matin, cette nuit en France, le meilleur temps de la troisième séance d'essai libre. Une troisième séance au cours de laquelle Lewis Hamilton a lui éprouvé quelques difficultés. Il s'est loupé dans son tour rapide pour n'en signer que le septième temps. C'est Daniel Ricciardo qui tout à l'heure s'est classé deuxième de cette troisième séance. On peut noter que Romain Grosjean l'a achevé en 16e position et que Esteban Ocon, le français, a pour la deuxième fois du week-end terminé devant son équipier Pascal Wehrlein. Ça n'est pas anodin, il l'avait également battu pour la première fois en qualification la semaine dernière à Sepang. Et bien joué Louis, parce que j'allais en venir à l'autre pilote français qui nous fait plaisir, hein, Patrick. Ça y est, on se disait à un moment, Esteban, quand il sera bien dans sa voiture, on sait qu'il est très grand, il fallait qu'il soit bien installé, il s'en est pas trop plein, mais ça n'était pas le cas. Maintenant il la sent, et Patrick, quel plus beau circuit que Suzuka, surtout quand on sait que de toute façon Wehrlein va être frappé par 5 places de pénalité pour un changement de la boîte de vitesse de sa Manor. Ouais, quand tu parles d'installation à bord de la voiture, que ce soit difficile ici à Suzuka, je le confirme, c'était particulièrement difficile, surtout dans les S, de remonter après le fabuleux numéro 1, le premier virage à droite. Et oui, et alors là, il y a un enchaînement de virages très délicat, et si on est mal installé dans la voiture, si on est mal tenu, c'est diabolique. Ah oui. Alors là, je peux vous dire que effectivement, ce Grand Prix du Japon, il s'est tenu sur le circuit du Mont Fuji en 1976 et 1977. Et vous vous rappelez évidemment de la bataille avec James Hunt et Niki Lauda, hein, si vous avez vu le fabuleux film Rush. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille d'y courir juste après ces qualifs parce que c'est vraiment formidable. On trouve évidemment en DVD. Et Mont Fuji où il régnait également des conditions un peu dantesques. Louis, tiens, on a les premiers temps qui tombent, mais on n'a pas pour le moment beaucoup. On a une petite dizaine de temps à peine. Louis, au niveau de la météo, qu'est-ce qu'on annonce pour demain pour le Grand Prix ? Alors c'est le grand flou parce que demain il devrait pleuvoir dans la journée sur Suzuka. Ça ne fait quasiment pas de doute. La question c'est est-ce qu'il va pleuvoir au début, au milieu, à la fin de la course ou après? Pour l'instant, et oui, voilà, je sais. Merci. Elle a vous bu pouvez du me saké. Remercier pour ces précisions. Elle a bu du saké, ta grenouille japonaise ou quoi? Oui, un petit peu. Et puis c'est pas la seule, si je peux me permettre. Mais effectivement, demain il devrait donc pleuvoir. La grenouille de la FIA annonce plutôt de la pluie sur le dernier tiers de la course, donc ça pourrait nous offrir un épilogue assez indécis. Et puis peut-être un petit peu de pluie durant la Q3 tout à l'heure également, hein, ce qui pourrait rebattre les cartes et peut-être chambouler les grilles que l'on connaît depuis le début de saison, qui sont globalement sans trop de surprises. Hein. Allez, on a une hiérarchie qui se dégage. Je vous rappelle qu'on est en Q1, donc évidemment c'est surtout le fond de la grille qu'on va regarder. Il reste 9 minutes maintenant, c'est-à-dire qu'on est pile à la moitié de cette Q1, et je vous rappelle que jusqu'à présent, eh bien c'est Lewis Hamilton qui s'est montré le plus véloce dans cet exercice en 2016, en totalisant 8 pôles, dont la dernière en Malaisie, mais la précédente à Singapour était aux mains de Nico Rosberg. Ah, Jean-Luc, il y a quelque chose qui va t'intéresser. Les 4 premiers pilotes de cette Q1 sont en pneus médium. Les autres sont en pneus soft. Merci Patrick, effectivement ça c'est intéressant dans la mesure où on sait que le choix de pneumatique apporté par Pirelli ici comporte trois gommes différentes. Oui, et effectivement il y a toujours une gomme obligatoire dans ce Grand Prix. On pourrait voir deux arrêts, ça va dépendre évidemment des conditions météo, hein, ce qu'on disait tout à l'heure. Et les trois types de gommes proposés par Pirelli sont les mêmes qu'en Malaisie la semaine dernière, c'est-à-dire les durs, les médiums et les tendres. Et puis le pneu avant droit est le pneu qui souffre le plus ici. Absolument Patrick, avec ce snack hein, dont tu parlais, cet enchaînement. Alors au niveau des vainqueurs de ce Grand Prix, on le verra évidemment demain, mais il y a eu Hamilton en 2007, 2014, 2015, c'est lui le tenant du titre, le tenant de la victoire ici même. Et puis Vettel qui s'est imposé à 4 reprises, donc tout à l'heure le commentaire était pertinent, formulé en 2009 où il s'était imposé, 2010, 2012, 2013, Raikkonen s'est imposé. C'était un autre Vettel à l'époque. Hein. Ah, il n'était pas de la même couleur. Oui, c'était pas le même. Non, malheureusement, là, en rouge, il souffre beaucoup. Ah, Raikkonen s'est imposé, c'était en 2005. Button s'est imposé en 2011. Alonso s'était imposé en 2006 et 2008. Ce ne sont que des champions du monde, Patrick, qui se sont imposés à Suzuka. Quelle plus belle référence. Oui, c'est souvent que des champions du monde hein, qui s'imposent. Parce que d'abord, ils sont dans un talent tout à fait particulier qui les différencie des autres. Et puis, ils ont aussi entre les mains, généralement, des machines qui sont à la hauteur de ce talent. Donc, ce sont, sur des tracés comme celui-ci, des atouts et des éléments importants qu'ils entretiennent avec beaucoup d'attention et qu'ils développent au fur et à mesure de leur progression. Mais là, en ce moment, en ce qui concerne Vettel, il semble qu'il y ait quelques petits soucis, des atermoiements qui viennent d'Italie et où la Commandantur italienne essaye de se disculper en faisant porter le chapeau à son pilote. Oui, alors là, c'est pas. Oui, évidemment, quand ça commence à. Quand on commence à servir comme ça, c'est pas bon. Hein, voilà, il y a quelques grands prix, c'était le roi du pétrole, et là maintenant, c'est le dernier des Mohicans. Ouais, ça va pas le faire. Hein. Quand même, un pilote 4 fois champion du monde de Formule 1, 2 rangs de surcroît. Est-ce que c'est le syndrome. La liste, elle est longue, hein, le syndrome Alonso. Je vais parler du dernier en date quand même. Double champion du monde, faut-il le rappeler, avant d'arriver chez Ferrari, et qui n'est jamais parvenu à s'imposer aux commandes d'une monoplace rouge. Allez, les temps, Louis, parce que maintenant, voilà, tout le monde a signé des chronos. Qui sont les 6 pilotes en difficulté maintenant, alors qu'il reste un peu plus de 6 minutes dans cette Q1? Alors, ces 6-là s'appellent pour l'instant Carlos Sainz, Jenson Button, Pascal Wehrlein, Esteban Ocon, Julian Palmer et Marcus Ericsson. À noter au sujet de Wehrlein et Ocon, la bataille entre les deux manors que l'on observe de près, elle est pour l'instant à nouveau à l'avantage de Pascal Wehrlein qui, lors de son dernier tour rapide, a devancé Ocon de 23 millièmes. Oh là là, c'est incroyable. C'est dramatique, hein. C'est au rasoir, 23 millièmes, rendez-vous compte. Et puis, évidemment, Kevin Magnussen qui sauverait pour le moment l'une des monoplaces place jaune, l'une des Renault sur lesquelles, on l'a dit, un vent de tourmente souffle un petit peu en cette fin de saison. Aucune certitude quant à l'avenir, ni concernant les pilotes, ni concernant le directeur technique. Et on sait que malheureusement, on parle pas toujours vraiment d'une même voix au sein de cette équipe Renault. Allez, on va pas enfoncer le clou. Malheureusement, on aimerait que cette saison 2017, je vais y arriver, avec une monoplace vraiment dessinée maintenant par l'équipe en place, eh bien, soit nettement meilleure que celle-là, quand on sait qu'on a pu marquer à 3 reprises. Tiens, puisqu'il y a une petite accalmie avant l'assaut final, je vais vous rappeler le classement général provisoire au championnat du monde pour ce qui concerne les pilotes. Eh bien, naturellement, Nico Rosberg s'est assuré un avantage de 23 points points après le dernier Grand Prix en Malaisie où son grand rival Lewis Hamilton a subi une rupture de moteur. Là aussi, on a calmé un petit peu Lewis parce qu'évidemment, il l'avait mauvaise. Hein. C'est un euphémisme après cette casse moteur. Donc pour le moment, Rosberg 288 points, Hamilton 265 points. Ricardo est un solitaire et lointain troisième, mais brillant troisième Daniel Ricardo avec 204 points devant Kimi Raikkonen, on en parlait, qui devance avec 160 points son équipier Vettel, 153 points. On trouve ensuite Verstappen, la flèche montante, et puis Bottas, Perez, Hülkenberg. Voilà, c'est peut-être vers Hülkenberg qu'on se tourne. Louis, on parlait justement de cet affrontement Mercedes au niveau justement de la casse moteur. On y va sur des qu'est-ce que je vais dire, des charbons ardents hein, de ce côté-là. Oui, c'est sûr. Mercedes a fini par livrer une explication au sujet de ce qui s'est produit sur la voiture de Lewis Hamilton la semaine dernière. En fait, il a coulé une bielle, Lewis Hamilton. Alors, je vais laisser Patrick expliquer techniquement ce que cela veut dire. Mais je ne m'y risquerai pas. Mais voilà donc la raison de la casse moteur de Lewis Hamilton la semaine dernière. Mercedes qui s'est attelé à rapatrier en urgence les deux moteurs qu'il reste à Lewis Hamilton pour s'assurer qu'il n'ait pas de défaillance et que cela ne se reproduise pas, pour calmer aussi l'impatience, l'agacement, pour ne pas dire avantage du double champion du monde en titre. Alors ça, c'est incroyable, hein, Patrick. Ça ne se produit jamais chez Ferrari, ça, par contre. Non, c'est un petit problème d'allumage. Comme d'habitude. Quand on voyait le moteur vaporisé avec une boule de feu, ouais, un petit problème d'allumage. En tout cas, Patrick, couler une bielle, enfin, ça rappelle... Si je parle de la figure des ingénieurs motoristes, parce qu'ils sont, français, alors. Ah oui, d'accord. Mais, et oui, ça... ils sont tous issus de la grande école de Viry-Châtillon. Ouais, blague à part, ça peut arriver à tout le monde évidemment, mais couler une bielle, ça rappelle les moteurs des années 50. Hein. On n'avait plus entendu ça depuis. Il y a d'autres éléments qui sont entre la pédale de droite et puis le moteur. Oui. Il y a des turbos, il y a des refroidisseurs, Et puis de l'électronique. C'est toute une technologie que j'ai pas eu la chance de connaître. Oui, la chance, c'est toi qui le dis. Il faut faire attention ce matin. Moi je dis la malchance parce que là les pilotes ils aimeraient bien que ce soit comme toi, tu sais. Ça me rassure. Ouais, une grosse pédale, un bon cap d'accélérateur, un paquet de chevaux derrière, et là c'est que du bonheur. Je peux te dire, tu le sais mieux que personne. Le circuit de Honda, grand motoriste s'il en est. Ah oui. Qui souffre cette année avec les McLaren. Absolument. Donc cherchez l'erreur. Allez, on en vient maintenant à ce dernier assaut, Louis, parce que là, il reste encore un peu plus de 2 minutes hein, aux pilotes pour essayer de se sortir de ce mauvais pas. Et on observe, Louis, que certains pilotes ont chaussé les pneumatiques médium. C'est le cas de Rosberg et Hamilton, notamment, parce que on voit que, on n'a pas besoin de cramer des pneumatiques soft, hein, semble-t-il, du côté de Mercedes. Voilà, exactement. Rosberg et Hamilton ont signé pour l'instant les... exactement. Troisième et quatrième temps pour Rosberg et Hamilton. Ouais. Les deux premiers sont entre les mains des Ferrari qui, effectivement, comme tu le disais, Patrick, ont tourné en pneus soft, ce qui explique cette différence. À noter quand même tout à l'heure que lors de la troisième séance d'essai libre, l'écart entre Nico Rosberg, le premier, et Daniel Ricciardo, le deuxième sur sa Red Bull, était de 2 dixièmes. Je discutais avec l'un des chefs de l'ingénierie moteur chez Red Bull qui m'expliquait que la différence en Q3 ne serait pas de 2 dixièmes parce que les Mercedes allaient rajouter un petit surcroît de puissance dans leur moteur pour cette qualif et que donc il ne fallait pas s'attendre à un si petit écart. Monsieur Plus, effectivement, et on voit, si on prend la troisième séance d'essai libre, qu'il y avait 3 dixièmes, 302 millièmes pour être précis, entre Nico Rosberg, l'homme le plus rapide de cette FP3, et Daniel Ricciardo avec sa Red Bull Renault qui s'était placé en deuxième position. Vettel était troisième avec la Ferrari mais à 6 dixièmes. Verstappen quatrième à quelques millièmes. Raikkonen était cinquième. Massa sixième. Et on l'a dit, Hamilton n'a pas pu mener sa simulation de qualif dans de bonnes conditions parce que tout le monde est ressorti au même moment. Allez, l'assaut final, c'est pour se sortir du piège, hein, Louis. C'est pour se sortir des 6 dernières places de cette Q1. Alors, après un dernier passage au stand, de nombreux pilotes sont actuellement dans leur tour de sortie. La première amélioration que l'on peut constater, elle est à l'actif de Jenson Button, qui a amélioré dans le premier secteur en 33-307. Jenson Button qui jusqu'alors était en 18e position dans cette première séance de qualif et qui donc ne passerait pas le cap si l'on en restait là. Mais il est en voie d'amélioration. Le pilote britannique qui, lui, s'est imposé une fois sur ce tracé de Suzuka. C'était, je crois, en 2011. Marcus Ericsson également est en amélioration. 33-288 pour le Suédois de l'écurie Sauber qui jusqu'à présent était dernier. Allez, Esteban Ocon qui est encore dans son tour de chauffe, de mise en température, effectivement. Et puis on a chaud aux plumes, on vous l'a dit, du côté de Kevin Magnussen, même du côté de Romain Grosjean, hein, qui est 14e et qui est en amélioration perso dans le premier secteur. Patrick, c'est le cas d'Alonso aussi. Bah, tu l'as dit, c'est le fief de Honda. Évidemment, la McLaren est motorisée par Honda. Ça ferait des ordres, hein, Patrick, si aucune des deux McLaren-Honda ne passait le cap de la Q1. Oui, Jenson Button est en train de terminer avec son tour, alors qu'Alonso est également en train de finir dans la deuxième zone maintenant de DRS. Le drapeau d'Amier tombe maintenant sur les 16 premiers qui partiront en Q2. Et oui, Romain Grosjean est 15e pour le moment. Alonso amélioré, il est 11e. Ah, ça va être une bagarre sévère. Ericsson est en vert dans les deux premiers secteurs. Palmer en vert dans le deuxième secteur. Et Carlos Sainz aussi qui est en difficulté, Louis, maintenant. Et très belle performance de Romain Grosjean qui s'est extrait de la zone de danger pour signer le 6e temps provisoire de cette première séance de qualification. Ça devrait le faire pour les McLaren Honda de Fernando Alonso et de Jenson Button. Bien que Button 16e soit sous la menace directe des pilotes qui améliorent derrière lui, notamment Carlos Sainz qui est 20e pour l'instant mais qui a amélioré consécutivement dans les deux premiers secteurs. Ça va être compliqué en revanche pour les Manor parce que Wehrlein et Ocon n'ont pas amélioré dans le premier et Carlos Sainz s'est extrait de la zone de danger à son tour. Il est pour l'instant 12e. Pour l'instant, Jenson Button est 16e, le dernier des pilotes à qualifier pour la Q2 et Ocon est Magnussen ont amélioré dans le deuxième secteur. Mais ça va être compliqué quand même pour eux de se hisser au niveau. Valtteri Bottas a amélioré, il signe le 5e temps provisoire. Jenson Button repasse donc sous la barre de la 16e place. Jenson Button ne devrait pas voir la Q2. Et Kevin Magnussen à son tour va passer. Il est 18e Kevin Magnussen. Donc ça sera trop juste pour lui également. Je pense, Jean-Luc, que l'on peut donner le nom des 6 pilotes éliminés à l'issue de cette première séance de qualification. Jenson Button, Kevin Magnussen, Marcus Ericsson, Felipe Nasser, Esteban Ocon et Pascal Wehrlein. Et comme on s'arrête à nouveau sur la bataille entre les deux manors, Ocon a signé un meilleur temps que Pascal Wehrlein. Et de loin, cette fois on ne parle pas de 23 millièmes, on parle de 5 dixièmes de seconde. Moi j'ai 2 dixièmes, un peu plus de 2 dixièmes, Louis, mais c'est pas mal quand même. Ah, moi j'ai 1.33.353 contre 1.33.821. Ah, j'ai 561 pour Wehrlein. Ah, affirmatif. Ah, 561 pour Wehrlein. Bon. Donc, alors je vous fais confiance, 2 contre 1. Mais... On a la même source d'information tous les trois. Alors, normalement, il y en a un qui ne se remet pas à jour. Non, moi j'ai les deux ordis qui sont bons là, hein. A priori, effectivement. Bon, 2 dixièmes en tout cas, c'est super. Allez, on va positiver. C'est super pour Esteban Ocon qui prend la mesure de Pascal Wehrlein. On rappelle que Pascal Wehrlein, de surcroît, va être frappé, vous me direz c'est virtuel, hein, par 5 places de pénalité sur la grille quand on est dernier. Ça pose pas trop de problèmes pour Wehrlein. En tout cas, on va répéter les noms des 6 pilotes qui ne participeront pas à la Q2 dans un instant. Il s'agit, et c'est évidemment une grosse déception, de Jenson Button avec la McLaren Honda 17e, Kevin Magnussen avec la Renault 18e, Marcus Ericsson avec la Sauber 19e, Felipe Nasser, l'autre Sauber 20e, Esteban Ocon est donc 21e, Pascal Wehrlein 22e, et pour l'anecdote, eh bien c'est Vettel qui a été le plus rapide devant Raikkonen, les deux Ferrari, mais avec des pneus différents, devant les deux Mercedes. On se quitte un instant, mais c'est pour mieux se retrouver pour la Q2, la deuxième bataille précédente, la bataille pour la pole. On est à Suzuka, vous êtes sur RMC, la radio de la Formule 1. RMC, Grand Prix du Japon, les qualifs. J'ai adoré notre premier rendez-vous, Magali. C'est vrai. Ouais. Je dois t'avouer que j'étais séduite par... Mais à l'air disco, je dois filer. Aujourd'hui, le rôti de bœuf 2 étoiles Origine France est à 7,49€ le kilo chez Netto. On ne peut pas lutter contre une alerte discount. Netto, le discounter qui fait la différence. Viande bovine rôtie, 1 kilo environ. Pendant ce temps, chez Renault... La French Touch se met au rugby avec Twingo qui se faufile. Quelle agilité, quel rayon de braquage. Twingo est à partir de 99€ par mois, sans condition de reprise, 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Portes ouvertes du 13 au 17 octobre. French Touch, touche française. Offre pour Twingo Life SE 70, LL des 49 mois, 40 000 km maximum. Premier loyer de 1 500€ si acceptation par Diakessa. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire. Réservé aux particuliers jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Ouverture sans l'autorisation, voire Renault.fr. La technologie pour Darty, c'est avoir une télé aussi interactive que son smartphone grâce à sa box internet et les applications Android TV. Et ça pour seulement 14,99€ par mois pendant un an, au lieu de 26,99€. La B-Box Miami de Bouygues Télécom, avec tous les services exclusifs Darty, est à prix anniversaire jusqu'au 31 octobre. Et en plus, Darty vous offre une carte cadeau de 100€ pour tout nouvel abonnement. Engagement 12 mois, location box 3€ par mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Carte cadeau utilisable dans les magasins Darty, hors darty.com. Juste quelqu'un de bien. Mon opticien Atoll me connaît bien. Il sait trouver les lunettes qui me vont parfaitement. Mes clients, je les chouchoute. J'étudie leur visage, la couleur de leurs yeux, leur goût, pour leur proposer des lunettes qui les mettent en valeur. C'est le moment de changer de style chez Atoll. La deuxième paire de qualité à votre vue est à moitié prix. Venez la choisir, même parmi les plus grandes marques. Dispositif médical, offre jusqu'au 31 octobre, voire conditions en magasin. Atoll, mon opticien. Quelqu'un de bien. Allô Marie, devine où je suis. En Papouasie. Mais non, en ce moment c'est le... C'est le plus beau jour de ta vie? Presque. Il y a des Opel partout, les derniers modèles et des offres exceptionnelles à ne pas rater. Ah, le salon de l'auto. Voilà, et du coup devine où je suis pour en profiter? Ben, au salon de l'auto. Eh ben non, chez mon concessionnaire Opel, près de chez moi. Il n'y a pas qu'au salon de l'auto qu'on peut profiter des offres du salon de l'auto. Jusqu'au 31 octobre, l'Opel Karl est à partir de 7 690 €. Oui, 7 690 €, avantage client déduit. Conditions sur opel.fr. Portes ouvertes les 15 et 16 octobre selon autorisation. RMC, Grand Prix du Japon, essai qualificatif, Jean Lucroix, Patrick Tambay, Louis Amar. Et salut à tous, si vous nous rejoignez seulement maintenant, mais c'est dommage, hein, vous avez raté la Q1 sur RMC, la radio de la Formule 1, la première partie des qualifications de ce Grand Prix du Japon qui a permis d'éliminer 6 pilotes. Comme on a quelques secondes, bah Patrick, j'aimerais bien y revenir. Pourquoi? Parce que si Fernando Alonso a passé la barre, malheureusement Button ne l'a pas réussi, donc on aura une McLaren Honda en Q2. En revanche, on aura... Derrière Fernando. Oui, on aura une seule Renault puisque Magnussen n'a pas passé la barre. On n'aura pas de Sauber. Et Patrick, un dernier mot sur la bataille Ocon-Wehrlein, avec deux bons dixièmes à l'avantage d'Ocon sur un tracé comme celui-là, un tracé bien significatif et bien probant. C'est magnifique. Qu'il découvrait. Donc il faut quand même tirer un coup de chapeau pour cette petite performance. Ah oui, une petite performance, mais qui va marquer certainement les esprits. Allez, on va parier, on va mettre un petit billet, hein, Louis, sur le fait qu'Esteban Ocon puisse être confirmé rapidement. On sait que dans 2 semaines, c'est le Grand Prix d'Austin aux États-Unis et que c'est dans la deuxième quinzaine d'octobre qu'on devrait annoncer les pilotes pour l'équipe Renault. On peut parier un billet, hein, Louis, sur le fait que Ocon en fera partie. On y va. Alors Renault a les cartes en main concernant Esteban Ocon, parce que Renault a une option prioritaire sur le jeune français, c'est-à-dire que c'est Renault qui en définitive va décider de l'avenir d'Ocon, soit il lève l'option, auquel cas le contrat courrait sur plusieurs années, on évoque une durée de 3 ans, 2017, 2018, 2019, soit Renault ne lève pas l'option sur Esteban Ocon, et à ce moment-là c'est Mercedes, parce que vous savez qu'Ocon est également membre de la filière Mercedes, qui déciderait de l'avenir du jeune français. Comme Mercedes a investi beaucoup d'argent sur Esteban Ocon, Mercedes a envie de le voir continuer son apprentissage au plus haut niveau, donc si jamais par malheur Renault décidait de ne pas lever l'option sur Esteban Ocon, il devrait néanmoins poursuivre sa carrière en Formule 1 à l'intérieur d'une écurie cliente de Mercedes, Manor, pour ne pas la citer. Et oui, et Patrick, du côté du premier pilote, on l'évoquait rapidement, hein, eh bien le choix se restreint. Allez, je vais oser dire, en tête de liste, il nous reste quoi? Il nous reste Nico Hülkenberg, évidemment, qui est de loin le pilote le mieux placé, le plus performant, mieux placé au championnat, bien sûr, au classement général provisoire, et puis on va dire celui qui a les épaules peut-être pour être leader, parce que Kevin Magnussen, bah justement, il vient pas de réaliser une très très belle performance là en qualif. Oui, certes, mais je ne sais pas si Hülkenberg est du même avis. Tout aussi se tarde à se concrétiser. Je ne sais pas quelle est sa position. En tout cas, il a l'air assez sombre, je trouve, Hülkenberg en ce moment. Allez, on va venir maintenant à cette Q2, vous le savez, qui est partie pour 15 minutes. 15 minutes à l'issue desquelles, eh bien, on éliminera les 6 pilotes les moins rapides de cette Q2 pour garder évidemment le top 10 et la bataille pour la pole. Un coup d'œil du côté de la météo, Louis, parce que c'est important. Tu nous as dit peut-être qu'il pourrait pleuvoir avant la fin de ces qualifs. Et le ciel n'a pas bougé, il est toujours au gris, il est toujours très lourd, il est toujours certes menaçant, mais pas de gouttes à l'horizon. Ça veut dire que les pilotes vont disputer pour l'instant cette deuxième séance de qualification avec des pneus slick avec lesquels ils sont donc censés s'élancer demain s'ils signent en Q2 leur meilleur temps. Et Rosberg et Hamilton n'ont pas perdu de temps, ils sont partis en pneus très tendres, en soft, de façon à faire un temps très rapidement, parce que comme tu le rappelais, il faut regarder le ciel. Là, il est peut-être gris clair, mais là-bas, il est gris foncé. Et donc, c'est peut-être l'annonciateur de certaines gouttes. Eh oui, gris clair, gris foncé, ça dépend du vent, évidemment. Le vent, d'ailleurs, parlons-en, il n'est pas trop violent, hein, je crois, là, Louis, pour le moment. Ça souffle, mais c'est pas très violent. Oui, non, ça va. Il y a un petit peu de vent qui rafraîchit, parce que comme le taux d'humidité est élevé, il fait assez lourd sur le circuit de Suzuka. Un petit peu de vent, mais rien de... pas de bourrasque, quoi. Rien de terrible. Oui, on est aux alentours de 23 degrés, hein, si je ne m'abuse, avec une piste à 27. Ouais. C'est dire que c'est bien stable. Effectivement, les pilotes et les ingénieurs ont pu travailler sur les pressions pneumatiques. On sait qu'il y a des pressions minimales. On n'en a pas trop parlé sur ce tracé de Suzuka. Des pressions minimales imposées par Pirelli, naturellement, et souvent très élevées pour justement éviter les risques d'éclatement, de déformation et de travail ultérieur. C'est Patrick. Parti pour Rosberg. Eh oui. Et il est dans le premier virage à droite. Le deuxième virage à droite, il est dans la remontée maintenant vers les S. Le Snake avec un gauche qui se prend pratiquement à fond, puis le droite derrière qui le suit, ils sont en pleine réaccélération, on les entend au niveau du moteur qui ne baisse pas de régime. Et puis alors là on arrive dans ce gauche très très délicat, de mauvais souvenirs, qui à chaque fois qu'on y passe, et je pense que ce sera la même chose pour tous les pilotes, auront une pensée pour notre ami Jules. Et voilà, et puis maintenant c'est l'épingle à gauche, le virage le plus lent du circuit après un virage assez rapide, virage à gauche où il est difficile de trouver le point de corde et puis la motricité en sortie, motricité qui ramène sur une longue, très longue courbe à droite qui va préparer au spoon, la cuillère, la deuxième zone de DRS possible. Il faut faire attention de ne pas le mettre trop tôt parce que sinon ça décroche derrière et on risque de rouler sur la bande verte. Et puis il faudra aussi ne pas oublier de bien le remettre, à moins que le système automatique de freinage ne le fasse, avant le freinage de la fameuse chicane, la fameuse historique chicane. Oula, il s'en est passé des belles, évidemment. On évoque naturellement l'accrochage entre Alain Prost et Ayrton Senna. Si vous étiez déjà fan de Formule 1, ou si vous n'étiez pas né, ben on vous en a parlé, vous l'avez peut-être vu. Et voilà le premier temps de référence. Il est signé à l'instant par Nico Rosberg, le leader du championnat du monde. On vous le rappelle, c'est l'homme qui a signé les meilleurs temps dans les trois séances d'essais libres. 1 minute 30 secondes et 714 millièmes. Si je ne m'abuse, Louis, on n'a pas encore roulé aussi vite hein, depuis le début du week-end. Absolument, c'est le temps le plus rapide effectué depuis le début de ce week-end. Et Hamilton, lui, est en retrait par rapport à Nico Rosberg. Il est à 4 dixièmes de son équipier, 1:31, 1:129. Voilà pour le temps de Lewis Hamilton qui s'est trompé d'après le ralenti à la chicane. Je crois qu'il a un petit peu loupé son freinage sur la chicane, Lewis Hamilton. Et il est parti sur l'astroturf, hein, carrément. Donc là, évidemment, c'est la partie verte. Vous savez, la partie qui est effectivement délicate et qui fait perdre de l'adhérence. Et c'est le but recherché, d'ailleurs, et qui délimite. Alors, Patrick, tu as évoqué plusieurs virages. Si tu veux bien un mot ou plus sur le fameux 130R, cette cassure à gauche qui passe à fond absolu, les pilotes qui arrivent là à 325 km/h à peu près, et l'adhérence est telle qu'ils en ressortent moins vite, hein. Juste sur les pneus, Patrick, pour ceux on perd. Qui sont moins bien équilibrés, équipés. Tu l'as fait. Équipés. Je pense que le premier virage, c'est peut-être le plus difficile parce que c'est celui dans lequel on a le sentiment d'avoir trop ralenti avant de réaccélérer pour la montée des S. Les S, c'est très, très délicat également. Et puis, il y a ce fameux 180R. 130R. Cassure à gauche. À fond. Est très délicat maintenant parce que avant il n'y avait pas de bac à sable et de dégagement sur l'extérieur. C'était carrément le rail et bonjour l'ambiance. Ah oui, bonjour l'ambiance. Effectivement, là, il fallait du courage et même un peu plus, hein, Louis. Parce que voilà pourquoi les pilotes, et là aussi, on n'invente rien, hein, pourquoi les pilotes adorent ce circuit. Parce que c'est un circuit d'adresse, de virtuosité, bien sûr, de talent. Mais Louis, c'est un circuit où il faut du courage. Et moi, je suis désolé. Quand tu rentres à la maison le dimanche soir, t'étais content. Ah ben voilà, t'es content d'entrer. Et puis, c'est quand même un élément sport mécanique. Ben oui, je vais le redire, au risque de choquer certains, qui est important. Louis, en tout cas pour moi et pour certains autres. Exactement. Et tous les pilotes d'ailleurs s'accordent à le dire. C'est un des tracés qui font l'unanimité. Il y en a quelques-uns. On parle de Monza, de Spa, de Silverstone, mais celui-ci a dans le cœur des pilotes une place toute particulière, y compris pour ceux qui le découvrent. J'ai en tête la phrase d'Esteban Ocon lorsqu'il est arrivé sur le circuit de Suzuka jeudi. Vous savez que lui, y compris dans les catégories inférieures, il n'a jamais roulé ici. Et il a fait un tour de reconnaissance à pied jeudi matin en arrivant avec ses mécaniciens et avec son ingénieur. Et il était émerveillé. Il s'est confié à la presse française juste au sortir de ce tour de reconnaissance et il a dit: c'est un truc de dingue, j'ai à la fois peur et hâte, ce qui est vraiment symptomatique de ce que ce circuit transmet comme émotion. En tout cas, honnête. Oui, Patrick. En tout cas, honnête. Ah oui, honnête. Non, mais c'est génial. Écoutez, le fait qu'il ait réglé Wehrlein, pardonne-moi l'expression, mais bon, c'est fait qu'il lui ait collé 2 dixièmes sur un tracé sur lequel il n'avait jamais roulé, encore moins en Formule 1, bah ça, je peux te dire que c'est une sacrée afférence. En tout cas, pour moi, ça veut dire qu'il en a du courage et du talent, Esteban Ocon. Allez, on arrête d'en faire des tonnes avec lui. On va le laisser faire mieux. Il va faire mieux, il va faire mieux. Et on revient à ce qui se passe devant. C'est toujours Rosberg devant Hamilton. Oui, on a bien compris que les deux se sont mis à l'abri, hein, déjà. Exactement, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs, à l'abri d'une qualification en Q3 et à l'abri à l'intérieur de leur stand pour éviter les premières gouttes qui pourraient peut-être tomber, parce que j'aperçois quelques parapluies qui commencent à fleurir dans les tribunes, même si je ne vois pas encore de gouttes à travers la vitre de ma cabine de commentaires. Toujours est-il que derrière Nico Rosberg et Lewis Hamilton, Sébastien Vettel et Kimi Raikkonen ont retrouvé le rang qui leur échoit depuis le début de ce week-end, c'est-à-dire la 3e et la 4e place. Suivent les deux Red Bull, Max Verstappen 5e, Daniel Ricciardo 6e et Romain Grosjean toujours 7e, hein. Il est bien calé à cette place, c'est celle qu'il avait également occupée à l'issue de la Q1, et c'est une performance à relever, vraiment intéressante pour le français Romain Grosjean, qui se bat contre sa monoplace dont il a enfin, semble-t-il, découvert les travers. Il s'était plaint d'un problème de sous-virage ce matin lors de la 3e séance d'essai, il avait éprouvé des problèmes de frein hier lors de la première, il a, semble-t-il, trouvé le bon réglage. Bah écoute, c'est génial, effectivement, pour le moment, très très belle performance de Romain Grosjean qui est dans le top 10. Est-ce qu'il va y rester? Oui, par rapport à Sergio Pérez, pardon, pour le moment qui est 8e. Oui, par rapport à l'autre Mexicain, Esteban Gutiérrez, qui est 9e. Évidemment, on va avoir le 2e assaut, Patrick est là. Et c'est évidemment du côté des Alonso, du côté des Sainz, du côté des Hülkenberg que le danger pourrait venir pour Romain Grosjean. Oui, sur ceux qui sont sur la bulle, hein, tout, ouais. le cut comme en golf. La 10e place, c'est Hülkenberg qui la détient là maintenant. Et c'est le chrono qu'ils essayent tous de s'approcher. Il ne leur faudrait pas beaucoup gagner pour passer parmi les 10 premiers. Pour Sainz, Alonso, Kvyat, Palmer non, Bottas certainement, Massa aussi. Et on ressort évidemment du côté de Bottas, je crois, justement. Et du côté de Massa et on Nico Hülkenberg. De plus en plus de sous-virages, c'est classique ici. Oui, oui, Patrick, tu l'évoquais effectivement tout à l'heure avec ce pneu avant gauche, hein, qui souffre beaucoup, effectivement, avec ces virages en appui très très violents. Et puis on s'aperçoit que oui, là, on est en train de fourbir les armes parce que Massa et Bottas, lui, n'ont même pas signé de temps dans cette Q2 pour le moment. Ouais, ils viennent de sortir à l'instant des stands, Felipe Massa et Valtteri Bottas, tous les deux équipés de pneumatiques soft. Donc ils vont pas avoir énormément de temps et ils n'auront pas de deuxième chance, en tout cas après un nouveau passage par la voie des stands. Un peu curieux là cette stratégie de l'équipe Williams Mercedes, Patrick, parce que est-ce que ça veut dire qu'on aurait déjà quasi abdiqué le fait de. Non, c'est pas possible d'accéder. Hein, on va toujours faire un tour. Exactement, si on regarde Rosberg et Hamilton. Maintenant, il faut qu'ils soient capables, les pilotes, d'être performants et à 100% sur un tour. C'est vrai pour un départ de Grand Prix aussi, parce qu'il n'y a pas de warm-up le matin. On se présente sur la grille de départ après un tour, voire un maximum de tours, en passant par les stands une fois de chauffe. Et donc il faut être top avec tout le matériel et tout ce qu'il y a va avec entre les deux oreilles à 100% pour prendre le virage à droite, les deux virages à droite. Ouais, alors ça évidemment on va y revenir, hein. Sur ce départ, tiens, je vous rappelle la grille de l'an dernier, c'est toujours bien de revenir un an en arrière. C'est Nico Rosberg qui avait été l'homme le plus rapide, il s'est arrêté 2 fois, vous voyez, je vous évoquais, si la course évidemment se déroule dans des conditions météo stables, s'est arrêté 2 fois au 15e tour et au 29e tour sur un Grand Prix qui va en compter 53. Lewis Hamilton qui était sur la grille donc en 2e position, et je vous rappelle qu'au niveau du classement, eh bien c'est Hamilton qui l'avait emporté devant Rosberg. Eh bien Hamilton s'est arrêté lui au 16e tour et au 31e tour. On avait Valtteri Bottas, c'est loin tout ça, qui était sur la 2e ligne en compagnie de Sébastien Vettel. La 3e ligne était composée de Felipe Massa, l'autre Williams Mercedes, et de l'autre Ferrari Kimi Raikkonen. On trouvait ensuite Daniel Ricciardo et tiens Romain Grosjean qui était sur la 4e ligne de la grille de départ avec une belle qualif. Avec sa Lotus Mercedes, évidemment, il rêverait avec la Haas Ferrari de se retrouver au même endroit. Romain qui est pour le moment 7e, mais on n'est qu'en Q2. Hein. Et on attend l'assaut suivant. On est maintenant à un peu plus de 3 minutes, Louis. Et on voit les Williams Mercedes sur la piste, Louis. Il est temps, hein. Oui, mais ils ont fait un tour, ils sont repassés par la voie des stands pour remonter un nouveau train de pneumatique soft, Bottas et Massa. Donc les voilà repartis pour un nouveau tour de chauffe avant de tenter un tour rapide. Il restera moins de 2 minutes au moment où ils s'élanceront dans leur tour rapide. On repart de la voie des stands également pour Fernando Alonso et pour Romain Grosjean et à l'instant pour Nico Hülkenberg. Et on rappelle qu'évidemment Massa est, vous le savez, dans sa tournée d'adieu en quelque sorte, puisqu'il a annoncé effectivement qu'il allait mettre fin à sa carrière de pilote de Formule 1 à l'issue de cette saison. Pour Jenson Button, eh bien on va dire que c'est une retraite provisoire, c'est ainsi qu'il le présente. Il va rester dans le giron de McLaren Honda mais ne pilotera plus naturellement. Et Massa, eh bien il prendra, si tout va bien, demain son 246e départ de Grand Prix. Et puis d'un mot, Patrick, on revient peut-être sur les 300 départs déjà pris par Jenson Button. Oui, 301 départs dimanche. Oui, dimanche, ouais. Ça fait quand même sacré. Ah oui. Sacré bail. Ouais. Et ça démontre aussi que la sélection naturelle, entre guillemets, n'existe plus. Alors on ne va pas s'en plaindre. Bien sûr. Certes. Mais quand on se souvient. Bah oui, c'était. L'accident terrible de Jules, eh bien, ce sera le dernier en date. Et c'est ce qui rend ce sport si si magnifique, si difficile peut-être aussi pour certains, si admirable. Si coûteux pour d'autres. Parce que c'est un engagement total, effectivement, surtout sur ce tracé de Suzuka où les hommes de chez Williams Mercedes sont maintenant aux affaires et maintenant il va falloir qu'ils claquent un temps, hein, Louis, parce que ça y est, on est à une grosse seconde 30 maintenant du terme de cette Q2. Va falloir sortir des 15e et 16e places, Louis, pour les deux hommes de chez Williams. Ils vont tout jouer sur un tour, Valtteri Bottas et Felipe Massa. Bottas qui vient à l'instant de se louper la sortie du premier secteur. Et ben voilà. Un premier secteur qu'il a vu certes améliorer son temps personnel, mais qui est 4 dixièmes plus lent, c'est normal, que celui signé tout à l'heure par Nico Rosberg, qui détient le meilleur temps de cette deuxième séance de qualification. Valtteri Bottas donc est en piste dans un tour rapide. Les autres pilotes ne vont pas tarder à le rejoindre. Felipe Massa, lui, a fait moins bien que Valtteri Bottas sur le premier secteur. 3 dixièmes plus lentement que son équipier. Il l'a fait, bravo Louis. Allez, moi je vais faire, je vais être plus simple, je vais lire 32-866 pour Bottas, 33-108, chacun tira les conclusions qu'il veut. Et c'est toi qui as raison. Dans le premier secteur, donc, et Bottas qui est maintenant dans le deuxième secteur, c'est du vert également, Patrick. Ah, il faudrait bien qu'il se sorte quand même de cette Q2, Bottas, pour arriver à intégrer la Q3, Patrick, et se battre. Bon, pour la pole, faut pas rêver, hein. Et c'est du jaune pour tous les pilotes qu'ils prendront le départ de la course demain, car ils sont tous en pneus jaunes, les pneus soft pour l'instant. On voit qu'ils utilisent leur DRS de manière efficace aussi, pas tous, mais on regarde des petites lumières vertes et c'est à part deux fois que Pérez aura utilisé le sien. Et Bottas s'en est sorti pour le moment, Louis, pour le moment. Il est 8ème, mais ça pourrait ne pas durer pour Valtteri Bottas. Felipe Massa lui a conclu son tour rapide à la 10ème place. Pour l'instant, il est en Q3, mais ça va être compliqué d'y rester parce que Daniil Gviat et Esteban Gutiérrez sont notamment en amélioration dans le premier secteur. Et ça protège toujours Romain Grosjean, hein, qui est 7ème pour le moment. Il a beau être à 1 seconde 530 exactement du meilleur temps signé par Nico Rosberg et carrément à plus de 5 dixièmes de Ricciardo. Mais voilà, il est parvenu à rester devant Bottas qui vient de produire son effort à l'instant. Alonso ne partira pas. Alors, en tout cas, ça y est, le temps officiellement imparti, Patrick, en Q2 est terminé. Et Alonso, effectivement, c'est terminé pour lui. Il est 14e, il passera pas dans le top 10. Et on va pas tarder à voir, il y a Gutiérrez dans l'amélioration. Pour le moment, Louis... Drapeau jaune, ça va être compliqué. Drapeau jaune dans le deuxième secteur parce que Carlos Sainz s'est loupé. Drapeau jaune dans le deuxième secteur, cela veut dire que les temps ne vont pas pouvoir être améliorés par les pilotes qui étaient encore en piste. Et cela fait sacrément les affaires de notre Français Romain Grosjean, qui pour l'instant est 8e. Drapeau jaune, il est difficile. Enlevé. Oui, il vient d'être enlevé, mais les pilotes qui sont passés dans ce secteur-là au moment où Carlos Sainz est parti en tête à queue vont avoir des difficultés à améliorer. Ça va être impossible pour eux. On parlait tout à l'heure de Felipe Massa qui aurait du mal à rester dans les 10 premiers. Preuve en est, il est retombé 12e après les améliorations consécutives de Nico Hülkenberg et d'Esteban Gutiérrez. Pour l'instant, c'est Valtteri Bottas qui est en 10e position et qui est donc le dernier qualifié. Et ça pour va y rester. La Q3. Je crois que c'est bon, hein. Je crois que c'est bon, Louis. On a Pérez encore. On a Pérez peut-être. Et oui, ça y est. Ah, il l'a fait, Pérez. Il vient de le faire.

tous les dimanches minuit, retrouvez le RMC Poker Show avec Winamax. Les plus grands tournois, les anecdotes, les conseils avec Daniel Riolo et Moundir. Le poker dans tous ses coups, c'est le RMC Poker Show. Demain, dès minuit sur RMC. RMC Poker Show avec Winamax, site de poker en ligne. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RMC ? RMC, c'est dans votre voiture, dans votre salle de bain, au travail, dans votre chambre. Mais RMC, c'est aussi dans votre poche. Eh oui, dans votre poche. RMC s'écoute aussi sur votre smartphone. Téléchargez l'appli RMC. Téléphone, smartphone, tablette. RMC, partout, tout le temps. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 7-32-16. 65 centimes par envoi, plus prix du SMS. RMC, Grand Prix du Japon, essai qualificatif. Jean-Luc Roy, Patrick Tambay, Louis Amar. Retour sur le Grand Prix du Japon et plutôt les qualifs, la Q3. Mais je vais vous donner trois bonnes nouvelles, tiens, puisqu'on est en Q3. La première bonne nouvelle, c'est qu'on est ensemble, puisque si vous nous écoutez, c'est que vous avez choisi de vivre ces qualifs sur RMC, la radio de la Formule 1. Et vous le savez, et c'est pas une formule, c'est un vrai plaisir de vous retrouver à chaque fois avec Patrick et avec Louis pour vivre ces moments forts de la Formule 1. La deuxième, eh bien, c'est que la bataille pour la pole est lancée entre notamment Rosberg et Hamilton. Rosberg qui a été le plus rapide de près, plus de 4 dixièmes par rapport à Hamilton. Mais la troisième, c'est que Romain Grosjean est avec nous. Alors, je regardais les temps là, Patrick, hein, j'analysais un petit peu par rapport aux pilotes qui sont passés de la Q2 à la Q3. Il y a une très très belle amélioration de tout le monde, évidemment, en termes de performance. C'est remarquable, hein, là, notamment Romain, on va s'attarder sur lui, et Gutiérrez, bien sûr, qui est devant lui, hein, mais ils ont tous les deux amélioré leur perf de manière remarquable. Et Rosberg aussi, on peut dire. Ah, donc, oui, si, bien sûr, tu as raison. Et oui. Et oui. De ce fait là, je crois qu'ils sont tous remarquables. Ils ont tous amélioré leur performance, c'est-à-dire que ils ont su tirer le maximum des pneumatiques et ils ont su repousser encore les limites dans des zones sur un circuit qui est très délicat pour cela. Ouais. Il faut se commettre à vouloir rester à fond dans un certain portion. Il faut vouloir rentrer vite dans le 1 et le 2. Il faut être en pleine accélération et parfaitement sur la trajectoire dans tout le snake qui est une succession de virages à gauche et à droite très délicat à enfiler, si j'ose dire. On peut le dire comme ça. Et puis il faut avoir de la motricité et être bien dans l'épingle aussi, donc avoir un moteur qui fonctionne bien et être en accélération très très tôt de façon à bien sortir de cette épingle, parce que ça va conditionner toute la portion de retour dans la vitesse terminale avec la spoon à gauche. Donc c'est très très difficile. Oui, alors pour vous traduire, hein, si vous n'êtes pas angliciste, vous l'avez compris, non, c'est juste que on vous parle du snake, évidemment, ça veut dire serpent en anglais, tout simplement, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et c'est un enchaînement de courbes extraordinaire avec gauche, droite, gauche, droite, gauche, très long gauche, Patrick l'a décrit tout à l'heure. Et Louis, ces changements de direction, et c'est un bonheur intégral vraiment pour les pilotes. Oui, c'est une trajectoire extrêmement difficile à trouver. C'est à ça que sert, pour ceux qui découvrent le circuit de Suzuka, notamment la première séance d'essai libre, où il s'agit d'ajuster la bonne ligne pour passer cet enchaînement de virages très difficile. Il faut le passer à grande vitesse parce qu'on sort du premier virage qui est du premier et du deuxième virage, qui est un double enchaînement à droite, qui est également très compliqué à gérer. Et au sortir du snake, il y a le fameux virage Degner, Degner 1, Degner 2, les virages 8 et 9 qui sont aussi très difficiles avant. Une autre ligne droite qui mène à l'épingle. Bref, c'est un enchaînement extrêmement difficile que cette première portion de circuit, et puis que dire de la deuxième qui conduit jusqu'à la chicane et à la grande ligne droite des stands qui est la seule zone de DRS de ce circuit de Suzuka. Bref, il y a des difficultés quasiment à chaque freinage. Ah, sur mon tracé officiel de la FIA, j'en ai qu'un. Tu as celui dans la voie des stands qui est en descente depuis la chicane qui amène vers le numéro 1. Donc, tu vois là les ailerons sont baissés, hein, ça c'est le DRS 1. Et le DRS 2, c'est à la sortie de spoon, tout le retour à la grande ligne droite. Là, il y a un DRS aussi. D'accord. Que je sache. Très bien. Écoute, moi, c'est pas ce que j'avais non plus, hein, Patrick. Non, si je peux je crois qu'elle n'y est plus, cette zone. Je crois qu'elle n'y est plus. Il me semble qu'elle a disparu, ouais. Moi aussi. Ouais, ben, les ailerons, quand ils sont dans la ligne droite, ils disparaissent aussi, alors. Ah, alors, écoute, là, c'est intéressant. Alors. Ah, moi, je regarde, hein. Ah oui, non, mais t'as raison. Alors, je voulais juste te dire une chose. Tu parlais de Degner il y a un instant, effectivement. Eh bien, Degner, c'était un excellent pilote qui a marqué les années 60 en Grand Prix Moto, si vous voulez tout savoir. Effectivement, puisque ce tracé étude Ernst Degner. Ouais, ouais, excellent pilote de petite cylindrée. 50 cm cubes à l'époque et 125 cm cubes. Voilà. Petite précision. C'est vrai qu'on a le respect des traditions ici au Japon et particulièrement sur ce tracé de Suzuka. Allez, on va voir. Alors, on va surveiller l'aileron arrière de Daniel Ricciardo qui est en train d'attaquer la portion de la ligne droite dont on parle. Alors effectivement, ce retour vers le 130R, ce virage 130R qui se prend à fond absolu, là, vraiment. À fond absolu, là, il faut pas lever. Hein. Ouais. Il avait son aileron, il avait parce qu'il avait peut-être besoin de l'appui aéro. Ouais. Bon, écoute, il était ouvert. On va éclaircir cette question, t'inquiète pas. En tout cas, on va attendre les premiers chronos. Et c'est Daniel Ricciardo qui signe le premier chrono. Voilà, tout à l'heure, Ricciardo, il avait roulé en 1:31.719. Il a fait nettement mieux, Louis, à l'instant. 1:31.229 pour 1:31.240. Ça tient pas. 1:31, ça tient pas parce que Verstappen a pu provisoirement le meilleur temps, dépossédé à son tour de ce meilleur temps par Kimi Raikkonen, qui lui-même le perd au profit de Nico Rosberg. Ça s'enchaîne. 1:30.953 pour Nico Rosberg et 1:31.184. Hamilton sur la ligne. Hamilton sur la ligne, exactement. 1:37.158, 195 millièmes plus vite que Nico Rosberg. La pole provisoire, elle est entre les mains de Lewis Hamilton. Sébastien Vettel, lui, vient de passer sur la ligne, il signe pour l'instant le quatrième temps. On ne l'a pas dit, mais Sébastien Vettel sera pénalisé de 3 places demain sur la grille de départ après l'accrochage qu'il a opposé au premier virage la semaine dernière en Malaisie au Red Bull et notamment à Max Verstappen. Il a donc intérêt, Sébastien Vettel, à signer le meilleur temps possible pour ne pas trop souffrir de la pénalité qui lui sera infligée. Et oui, il a été rendu responsable. Vous vous en souvenez de cet accrochage effectivement dans le premier virage au premier tour qui avait coûté très cher à Nico Rosberg, hein, même s'il a pu se refaire par la suite. Lewis Hamilton, détenteur de la pole pour le moment. Alors c'est Max Verstappen là qui parlait dans sa radio à son ingénieur. Il a devancé de 195 millièmes Nico Rosberg et Hamilton, il a sorti une performance d'enfer. Il avait tourné en 1:31.129 tout à l'heure, 1:31.758. Patrick, il a trouvé 4 dixièmes alors que Nico Rosberg reste lui à 2 dixièmes du temps qu'il avait signé tout à l'heure. Oui, il avait réalisé probablement une très très grosse performance tout à l'heure. Il a maintenant fallu la rééditer avec son premier train de pneus soft. Il n'en a pas été capable et il a été battu par son coéquipier Hamilton sur ce tour-là, alors qu'Hamilton n'avait pas passé la barre des 1:30 tout à l'heure. Et puis on souligne que Kimi Raikkonen, décidément en grande forme avec la Ferrari, occupe donc la troisième position indépendamment des 3 places que subira Vettel. Mais Louis, on voit qu'il y a 40 millièmes, environ 41 millièmes entre Raikkonen et Vettel. Raikkonen vraiment reconduit, vous le savez, pour 2017 aux côtés de Vettel, naturellement. Turbulence, là, peut-être sous le casque de Vettel, hein, malgré tout. Oui, il rajeunit. Hein. Ouais. Oui, il enchaîne les bonnes performances. Kimi Raikkonen, et c'est vrai qu'il bat de plus en plus régulièrement son équipier Sébastien Vettel en qualification, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, et ce qui faisait de lui, pour l'Allemand, un équipier assez arrangeant, dirons-nous poliment. Oui, c'est ça, mais là, décidément, le CAF se rebiffe. Hein. Si je reprends le titre, c'est un film des années 60 qu'on a tous vu. Film superbe. Allez, le CAF, c'est un peu méchant. Mais bon, on va dire que Raikkonen fait, on va dire, Papy fait de la résistance. Ça va bien aussi. Papy fait de la résistance, c'est pas mal non plus. En tout cas, ça nous fait une belle revue de films de cinéma. Bon, il est pas si vieux. Allez, il est né, Kimi Raikkonen, le 17 octobre 1979. Il va fêter ses 37 ans. Hein, c'est quand même le papounet de la Formule 1. Ah, bah, c'est clair. C'est le papounet de la Formule 1. Ouais. C'est pas mal. Allez, alors que Vettel, évidemment, lui rend 8 ans. Voilà, Vettel qui est né lui le 3 juillet 1987. Alors là, il y a un petit temps mort évidemment dans cette Q3 puisque pour le moment, eh bien c'est Lewis Hamilton qui se serait emparé, on va parler au conditionnel, de la 9e pole position de la saison 2016 pour lui. Et puis ben, ça commence évidemment à faire hein, pour Lewis Hamilton. Je vais pas encore vous dire le total, mais comme je vous l'ai dit, devant lui, il n'y a plus que Ayrton Senna et Michael Schumacher. Hein, et depuis longtemps d'ailleurs. Alors, on va attendre l'assaut final. Il reste là un peu moins de 5 minutes. C'est le moment où on fourbit ses armes. En tout cas, c'est pas mal aussi, Patrick. Hein, les deux Ferrari de Raikkonen et Vettel à 4 dixièmes seulement des Mercedes. Oui, Iceman, Dixit le papounet, est troisième. Devant Vettel, quatrième. Alors, Vettel, je sais pas si papounet ou Iceman, c'est pareil pour lui, mais c'est quand même inquiétant. Bon, il n'y a qu'un dixième de différence et généralement, il prend de bon départ. Mais commettre des fautes comme il en a commis le week-end dernier sur Malaise en Malaisie, on va faire aussi celle-là. Bah oui, on y va. Hein. Et puis il y a quelque chose d'intéressant là pour le moment, c'est qu'en termes de performance sur un tour, oui, on a Raikkonen 1:31.184, Vettel 1:31.225, Verstappen 1:31.229. Il y a 4 millièmes entre Vettel et Verstappen, et Ricardo, tenez-vous bien, 1:31.240 millièmes. Il y a 11 millièmes entre les deux équipiers, Verstappen et Ricardo, Louis. Et entre les deux Ferrari et les deux Red Bull, il y a moins d'un dixième, hein, 1:31.184 pour le troisième, 1:31.240 pour le sixième Daniel Ricciardo. Elles sont dans un mouchoir de poche, ces quatre monoplaces, ce qui ne reflète pas l'écart qui les sépare désormais, hein, au classement constructeur provisoire, parce que les Red Bull sont désormais assez largement devant les Ferrari. 359 points pour Red Bull, 313 pour la Scuderia, qui s'est faite dépasser après la pause estivale et qui a bien du mal à refaire son retard. Il y a des pilotes qui n'avaient pas encore signé de temps de référence hors de cette troisième séance de qualification, en l'occurrence les deux As et les deux Force India, Romain Grosjean, Esteban Gutiérrez, Sergio Pérez et Nico Hülkenberg s'élancent désormais pour leur tour de chauffe. Lewis Hamilton détient toujours la pole provisoire, une pole position qui ici a peut-être moins d'importance qu'ailleurs si l'on regarde l'historique. Déjà lors des deux dernières saisons, Nico Rosberg était le poleman, à chaque fois il s'était fait reprendre par Lewis Hamilton. 12 fois le vainqueur est parti de la pole, 11 fois le vainqueur est parti de la deuxième place. Ça ne fait donc pas tant de différence que cela, c'est moins important qu'à Monaco ou qu'à Singapour par exemple. Et oui, absolument, Louis. Et puis pour appuyer et corroborer ce que tu dis, eh bien Raikkonen, qui s'était imposé en 2005 aux commandes d'une McLaren, il était parti 17e, Patrick. Ça veut dire qu'effectivement ici, surtout si la météo s'en mêle, tout peut arriver à Suzuka. Oui, et puis les safety cars sont fréquemment de sortie, mais maintenant c'est une safety car virtuelle qui était mise en place suite à cet incident regrettable. Je pense que de l'avis général, ça fonctionne bien. Oui, effectivement, sur le plan sportif, c'est grâce à régulier. Et Louis, tu vas nous rassurer, hein, là, alors qu'on est à quelques minutes maintenant, à moins de 2 minutes du terme de cette Q3, ça va rester sec là, hein, maintenant. Ah oui. Ça va rester sec, ça va nous tomber dessus pendant les interviews, vous allez voir, quand on sera nous dehors. Écoute, pour nous, c'est pas grave. Mais on te plaint quand même, Louis. Non, c'était pour la blague, je suis pas à plaindre, rassurez-vous. T'as monté quoi comme gomme? J'ai monté les slicks pour l'instant, mais j'ai un train de full wet en fait. Bon, ça vient. Les sushis étaient bons, tout va bien? Délicieux, tout va bien. Une merveille. Allez. Allez, le bœuf de Kobe aussi, hein, c'est un vrai bonheur. Allez, on attaque maintenant la fin de cette Q3, c'est-à-dire la bataille pour la pole. Et pour le moment, eh bien, c'est Lewis Hamilton, on vous l'a dit, le pilote britannique, le triple champion du monde, le tenant du titre depuis ses deux saisons. Mais voilà, il a 23 points à compenser par rapport à son équipier Nico Rosberg. Et Rosberg qui lui a concédé près de 2 dixièmes. Tout va se jouer maintenant. Ça va être parti dans quelques instants. On chauffe bien les pneumatiques dans ce tour de montée en température. Patrick, c'est important ici, évidemment, d'avoir une bonne température sur les 4 pneus. Pourquoi pas une Ferrari avec un Raikkonen qui a l'air d'être déchaîné. Il est en train d'enfiler les virages du Snake comme il se doit, les uns après les autres. Il arrive à la fin du partiel qui est juste avant ce droite-gauche de ces deux doubles droites de Dresde. Et il a 29 millièmes d'avance. Et oui, et puis attention à Verstappen. Verstappen est le plus rapide dans le premier secteur. Oh là là, 32-285 pour le moment. Voilà, il en est dépossédé maintenant, mais de peu, hein, par Nico Rosberg dans le premier secteur. Ah oui, c'est Max la menace. Il en veut. Et puis on l'a dit, Patrick, ils sont 4 dans un mouchoir de poche. Donc c'est la bataille pour la deuxième ligne. Allez, parce que normalement, rattraper les Mercedes, ça va être compliqué. Ça va être très difficile même, puisqu'on concédait 4 dixièmes de retard globalement pour les deux Ferrari de Raikkonen et Vettel et pour les deux de Red Bull Renault de Verstappen et Ricciardo. Et voilà maintenant Lewis Hamilton qui s'empare du meilleur temps dans le premier secteur, Patrick. 32 secondes 233. Ah, ça va se régler au rasoir cette affaire. Oui, avec Raikkonen qui est en vert de partout. Si le cumul des 3 tours chrono lui permet d'arriver devant Hamilton. Non, il est juste derrière lui. Oui, mais Nico Rosberg est le plus rapide dans le deuxième secteur. C'est le plus long. 40 secondes, 774 millièmes. Il peut le faire éventuellement. Il peut le faire. Alors que Lewis Hamilton, on vous le rappelle, est toujours en pole pour le moment. On attend les dernières performances, évidemment, de Lewis Hamilton, notamment, qui est en train de négocier la chicane. Maintenant, voilà. Lewis Hamilton qui va en terminer dans quelques secondes. Maintenant, va-t-il être capable d'arracher la pole? Non, c'est Rosberg qui le prend. Qui l'a prise. La voilà, Patrick. magnifique. Une 34-647. Oh là là là là, 13 millième d'écart. Et il a été se déchirer, Nico Rosberg, dans le dernier tour, alors qu'il était devancé par Hamilton et Raikkonen, il fait rétrograder dans deuxième et troisième position maintenant. Extraordinaire pole position de Nico Rosberg, là il faut le dire, parce que celle-là il a été la chercher, hein, je peux vous dire. Il n'a jamais roulé aussi vite. 1 minute 30 secondes, 647 millième. Il a amélioré son meilleur temps, c'était tout à l'heure en Q2 qui était d'une 37-114. Et bien il a fait mieux et il a battu pour 13 millièmes de seconde. Ah oui Patrick, c'est fabuleux, hein. Et Maurizio, tu vois, je te l'avais dit. Arrive avec le team manager, il a l'air d'être convaincu que c'était facile. Ah oui, bah en tout cas, Nico Rosberg est le poleman de ce Grand Prix du Japon, 17e de la saison. Voilà qui lui permet de remonter au niveau de Lewis Hamilton sur l'ensemble de la saison 2016, puisque c'est la 8e pole de cette saison 2016. Et je vous l'ai dit, la 30e de sa carrière de pilote de Formule 1 pour le pilote allemand, le leader du championnat du monde, Nico Rosberg. Lewis Hamilton partira à ses côtés sur la première ligne de la grille de départ. Tenez-vous bien, 13 millièmes d'écart entre les deux hommes. Autant dire un souffle. Ah oui, c'était la radio, je crois, de Nico Rosberg qu'on entendait là. Fugitivement, Kimi Raikkonen est un excellent troisième. Avec la Ferrari, il est à 3 dixièmes de Nico Rosberg. On trouve ensuite... on est content évidemment avec cette pole du côté de Nico Rosberg. Le quatrième, eh bien, ce sera Sébastien Vettel. Donc les deux Ferrari vont occuper la deuxième ligne de la grille de départ, Raikkonen devant Vettel. La troisième ligne occupée par Verstappen et Ricardo, les deux hommes de chez Red Bull Renault. Perez est septième avec la Force India devant Romain Grosjean, un excellent huitième avec la première des As Ferrari. Et puis la cinquième ligne sera composée de Nico Hülkenberg et Esteban Gutiérrez. Voilà pour la grille de départ de ce Grand Prix de Suzuka au Japon. On est ravis de l'avoir vécu avec Patrick et avec Louis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. RMC Grand Prix du Japon, les qualifs. Hey Jean-Jacques, Bourdin Cash, c'est quoi? Tu entends parler que de ça, RMC, c'est quoi? Tu fais sauter la banque ou quoi? Je ne le dis pas, c'est une surprise. Tu verras mardi. Pour cette pub Bricoman, on voulait prendre Bruno, maçon, pour qu'il vous raconte comment nous l'aidons en lui offrant les grandes marques du bâtiment au meilleur prix, comment nous l'accompagnons en lui proposant grâce à sa carte Premium Pro des tarifs préférentiels et le paiement différé, comment nous le rassurons en lui garantissant des stocks en quantité chantier. Mais on n'allait pas lui faire perdre du temps pour venir enregistrer cette pub. C'est vrai, ce serait pas pro. Bricoman, les nouveaux entrepreneurs. Plus d'infos sur bricoman.fr. En ce moment, la Ford Fiesta édition 5 portes 82 chevaux est à 139€ par mois. La même chose avec une voix plus Hollywood. Ok, mec, écoute bien, c'est pas du pipi de chat, hein. La Ford Fiesta édition est à 139€ par mois sans apport. Voilà, encore plus. Avec clim, Bluetooth, GPS, jantes alu. C'est bizarre, mec. Chez Ford, on n'en a jamais autant fait pour vous. Ouverture dimanche 16, selon autorisation. LOA de 48 loyers, coût total si achat 11 365,56€, réservé aux particuliers jusqu'au 31 octobre, si acceptation par Ford Crédit selon stock disponible. Va sur Ford.fr, mec! J'ai adoré notre premier rendez-vous, Magali. C'est vrai. Ouais. Je dois t'avouer que j'étais séduite par... Mais la discount, je dois filer. Aujourd'hui, le rôti de bœuf 2 étoiles origine France est à 7,49€ le kilo chez Netto. On ne peut pas lutter contre une alerte discount. Netto, le discounter qui fait la différence. Viande bovine rôtie, 1 kilo environ. Juste quelqu'un de bien. Mon opticien Anatole m'a fait une proposition très attirante. À plus de 50 ans, ça ne se refuse pas. Ah, et oui, avec l'âge, les yeux deviennent sensibles à la luminosité extérieure toute l'année. Alors je conseille les verres progressifs à teinte variable. Et bonne nouvelle chez Atoll, pour l'achat d'une paire équipée de verres Essilor Varilux Transition, votre deuxième paire de lunettes de qualité est à moitié prix. Dispositif médical offre jusqu'au 31 octobre, voire conditions en magasin. Atoll, mon opticien. Quelqu'un de bien. Un pour tous, tous pour l'anniversaire Intermarché. Et oui, encore 3 semaines. Jusqu'à ce soir, le dos de cabillaud est à seulement 10,90€ le kilo. Oui, 10,90€ le kilo. Mais c'est seulement jusqu'à ce soir. Dépêchez-vous. C'est ça l'anniversaire et c'est seulement chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Dans les magasins équipés d'un rayon marais traditionnel, pêchés en Atlantique Nord-Est. Modalités et magasins participants sur intermarché.com. RMC, 9h, une nouvelle heure commence. En ce moment, c'est la foire au vin chez Carrefour. L'occasion de découvrir près de 1000 vins choisis avec soin par un comité d'experts. Laissez-vous également guider par la sélection de coups de cœur de Paolo Basso, meilleur sommelier du monde 2013. La foire au vin Carrefour, ce sont des vins issus des meilleurs terroirs de nos régions, à prix très compétitif. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Vous êtes bien sûr RMC, il est 9h05 et après les qualifs formidables de ce Grand Prix du Japon, eh bien c'est la météo avec Jérémy Souliman. Il n'a pas plu, Jérémy, dans ses qualifications. Exactement. Eh bien, pas de pluie à Suzuka au Japon. Quelques gouttes par contre et quelques averses très localisées sur le littoral de la Manche, sur le massif des Vosges ou encore en Corse aujourd'hui. Le sud-ouest et la moitié nord du pays restent sous la grisaille ce matin, mais le soleil n'est pas bien loin. Il devrait repointer le bout de son nez d'ici la fin de la matinée et laisser place à de belles éclaircies cet après-midi. Partout ailleurs, eh bien, du soleil et encore du soleil. En Méditerranée, attention au vent. On attend jusqu'à 70 km/h par rafale pour la tramontane de Mistral. Et côté température, eh bien, ça reste très frais ce matin. Couvrez-vous entre 5 et 9 degrés. Cet après-midi, on se réchauffe un tout petit peu. Comptez entre 14 et 24 degrés. On attend 15 degrés à Strasbourg et Lille, 17 à Paris, Lyon et Clermont-Ferrand, 21 degrés à Marseille et 24, la maximale pour Ajaccio en Corse. La météo avec Atlantique. Chaudière, pompe à chaleur et radiateur connectés. Bah, Atlantique, quoi. Vous êtes bien sûr RMC, il est 9h06. Dans quelques instants, c'est votre maison avec François Sorel et Christian Pessé. Mais tout de suite, ce sont les infos en compagnie de Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour Jean-Luc. Nous sommes aux États-Unis dans ce journal après le passage cette nuit de l'ouragan Matthew, ouragan qui a perdu de sa puissance mais qui a ravagé l'île d'Haïti. Ils ne se laisseront pas faire, c'est une certitude, les opposants à l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Nouvel épisode ce samedi avec une manifestation monstre sur le site. Et puis le football et les Bleus qui ont éclairé le Stade de France hier, victoire 4-1 et le duo Griezmann, Gamero, au top. 9h07 sur RMC, bonjour à tous. Il a donc perdu un peu de puissance, passé du niveau 5, le maximum au niveau 2. L'ouragan Matthew a survolé la côte est des États-Unis. Et t'as des lieux sur place justement ce matin. Philippe Gasso, vous êtes le correspondant d'RMC aux États-Unis. Philippe, nouvelle plutôt rassurante. Eh bien oui, l'ouragan Matthew, le monstre tueur qui a martyrisé Haïti, Cuba et les Bahamas en laissant plus de 800 morts dans son sillage, a perdu de son agressivité à l'approche des côtes américaines et des eaux plus froides. L'ouragan est passé d'une puissance de 4 sur une échelle de 5 à 2. Reste que Matthew et son œil de tueur restent un meurtrier en puissance. Barack Obama demande à la population de rester sur ses gardes. L'ouragan, qui remonte vers le nord de la Géorgie et vers les Carolines, avance doucement à 20 km/h avec son cortège de vent violent et de pluie. Matthew reste dangereux. Près de 2 millions d'Américains ont quitté le littoral. Des centaines de milliers d'habitants sont sans lumière. Les dégâts sont énormes. Il faudra, selon le président américain, 3, 4 ou 5 jours pour faire le bilan. L'addition sera lourde. Et le bilan humain provisoire aux États-Unis fait état de 4 morts. Alors c'est un petit peu plus au sud, en Haïti, que la situation est catastrophique. 10 ans après le séisme, l'île, une nouvelle fois dévastée. Près de 900 victimes et des zones toujours inaccessibles. C'est le sort des enfants qui inquiète forcément sur place. Inquiétude décrite par Cornelia Walter. Elle travaille pour l'UNICEF en Haïti. Notre grand souci en ce moment, c'est l'eau potable et l'assainissement pour éviter qu'il y ait des épidémies parce que les enfants sont particulièrement vulnérables dans cette situation. Et la nourriture, les perspectives en vue de la malnutrition d'enfants, le risque est très très élevé parce qu'il y a la saison de la récolte. Et Matthew est juste venu à temps pour détruire ça. Je suis très inquiète et je dois avouer, avec chaque heure qui passe, je suis plus préoccupée. Cornelia Walter, interrogée par Benjamin Smadja. Aucun sujet ne sera épargné aux Américains. La campagne présidentielle. Et cette fois-ci, c'est une polémique sur les propos machistes, sexistes, vulgaires de Donald Trump. Vidéo qui date un peu, où le candidat des Républicains explique avec des mots crus qu'on vous épargnera comment on peut tout se permettre avec des femmes dès lors que l'on est connu, que l'on a le pouvoir. Donald Trump qui, cette nuit, s'est fendu d'une vidéo d'excuses, mais pas seulement. Je n'ai jamais dit que j'étais une personne parfaite. J'ai dit et fait des choses que je regrette. Et les paroles diffusées aujourd'hui dans cette vidéo en font partie. J'avais tort et je m'excuse. J'ai dit des choses bêtes, mais il existe une grande différence entre les mots et les actes d'autres gens. Bill Clinton a réellement maltraité des femmes et Hillary a harcelé, attaqué, humilié et intimidé ses victimes. En France, en difficulté, oui, mais toujours combatif. Nicolas Sarkozy jette de nouvelles propositions dans sa campagne à la primaire Les Républicains. Toujours plus à droite, hier soir, il dégainait le référendum, l'un sur l'internement administratif des personnes fichées S et l'autre sur le regroupement familial. Je poserai donc par référendum cette question. Est-ce que les Français sont d'accord pour que nous supprimions le droit automatique au regroupement familial, tant que l'Europe ne s'est pas dotée de frontières dignes de ce nom, c'est un débat sensible, fort, grave, important. Et Nicolas Sarkozy hier soir sur France 2, stratégie qui scandalise Razi Hamadi, député socialiste de Seine-Saint-Denis. Écoutez, vu comme c'est parti, je pense que Marine Le Pen aurait pu aussi candidater à la primaire de la droite. Hein. Là, on atteint un niveau de populisme et de démagogie qui, je crois, doit alerter le plus grand nombre. On pourrait considérer que c'était ridicule si elle n'était pas proposée par un candidat d'un grand parti de gouvernement qui peut devenir président de la République. Vous vous rendez compte, nous allons faire voter les Français dans un référendum sur le regroupement familial et sur les fichiers S, alors qu'il sait lui-même que sur les fichiers S, il y a des cas qui ne sont coupables de rien. Je trouve, au final, cela méprisable. Razi Hamadi interrogé par Romain Cluzel. Malgré la menace d'évacuation, malgré le risque de voir débarquer les forces de l'ordre, ils n'ont pas, mais alors pas du tout, l'intention de quitter les lieux. L'éternelle opposition à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, jour de mobilisation ce samedi. Anaïs Denet, vous êtes en direct ce matin au cœur de la fameuse ZAD, la zone à défendre. Anaïs, où les militants sont toujours aussi remontés. Eh bien oui, ils sont déjà plusieurs centaines de marcheurs arrivés dans le bocal. Ambiance dans un stade de France quasi plein et des buts. Soirée de football idéal en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis hier soir. Les Bleus ont battu la Bulgarie 4-1, doublé de Gamero et but de son compère Antoine Griezmann, duo parfait pour le dernier nommé. On est tous les jours ensemble, on se connaît, on apprend encore à mieux se connaître et sur le terrain j'essaye de le trouver quand il cherche les espaces, donc j'adore jouer avec lui et j'espère qu'il va continuer comme ça. Et le prochain rendez-vous des Bleus avec les qualifications mondiales 2018, c'est lundi face aux Pays-Bas. Le rugby, 8e journée de Top 14 ce week-end, l'affiche du jour, duel francilien Racing, stade français, le Racing qui a vécu la tempête cette semaine, détection de traces de corticoïdes chez plusieurs joueurs lors de la finale du Top 14 la saison dernière. Fausse polémique pour Serge Simon, médecin et ancien joueur. Ça veut dire que ils ont probablement pris un traitement anti-inflammatoire à base de corticoïdes. La question c'est, est-ce qu'on a le droit de le faire? Oui, dans un certain cadre. C'est l'anti-inflammatoire le plus puissant qui existe. Hein. Donc quand on fait du sport, on a souvent beaucoup d'inflammation. On est dans un cadre aujourd'hui, encore une fois, à ce moment où l'on parle, tout à fait normal et pas entaché d'illégalité ou d'irrégularité. Voilà les propos de Serge Simon que vous retrouvez pour les grandes gueules du sport tout à l'heure à partir de 10h. En attendant, 9h13, l'heure des courses, François Sorel. Avec un tiercé écarté, quinté plus cet après-midi donc à Chantilly, voici les pronostics de la Dream Team RMC. Sébastien Larras nous conseille le 9 Relaxed Boy et le 2 Royal Vati. Brahim Asloum aime bien le 14 Je suis Charlie. Et Laurent Guédard, quant à lui, retient le 12 Kalina et le 5 Eferatus. Le 9, le 2, le 14, le 12 et le 5. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RMC. En ce moment, la Ford Fiesta édition 5 portes 82 chevaux est à 139€ par mois. La même chose avec une voix plus Hollywood. Ok, mec, écoute bien, c'est pas du pipi de chat, hein. La Ford Fiesta édition est à 139€ par mois sans apport. Voilà, encore plus. Avec clim, Bluetooth, GPS, jantes alu. C'est bizarre, ce mec. Chez Ford, on n'en a jamais autant fait pour vous. Ouverture dimanche 16, selon autorisation. LOA de 48 loyers, coût total si achat 11 365,56€, réservé aux particuliers jusqu'au 31 octobre, si acceptation par Ford Crédit selon stock disponible. Va sur Ford.fr, mec. Marie est une jeune femme de maintenant. Elle partage des photos de petits chatons trop mignons. Bon, il y a aussi les licornes. Mais ça ne l'empêche pas de penser à la planète et à son budget. Chez Boulanger, on a donc pensé à Marie avec l'opération Happy Eco Eco, une sélection de produits écologiques et économiques. Comme le congélateur armoire Siemens, 195 litres A++ à 599€ au lieu de 749 et consommant jusqu'à 40% moins qu'un appareil de classe A. Boulanger, c'est 130 magasins près de chez vous et boulanger.com. Prix valable jusqu'au 23 octobre sur modèle GS29 NOW30. 14€ déco participation. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô, patron. T'as la banane, toi, dis donc. Ah bah non, c'est plutôt Lidl qui l'a. Aujourd'hui, ils nous font un kilo de banane à 79 centimes. 79 centimes le kilo de banane? Mais ils nous prennent pour qui? Pour des bananes, patron. Oh, tu crois que c'est le moment de faire tes blagues à 2 balles? À 2 balles? Ah non, à moins d'1€ le kilo, patron. Oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire de toi? On est mal. Oui, pardon, on est très mal, patron. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie extra, variété Cavendish, calibre P20, origine Afrique, Amérique centrale ou Antilles françaises selon magasin, vendu en vrac. RMC, votre maison. François Sorel, Christian Pesset. Merci d'être avec nous, c'était RMCC, le week-end des experts qui revient. Et oui, après les essais qualificatifs du Grand Prix du Japon, on a quelques bonnes questions à retrouver avec, bien évidemment, nos auditeurs. Christian PC, bonjour. Bonjour mon cher François, bonjour à tous, bonjour à toutes, bricoleurs et bricoleuses. Voilà, émission raccourcie bien sûr, en raison du Grand Prix. Et sachez que demain aussi, hein, le week-end des experts sera bouleversé en raison du Grand Prix du Japon, que vous pourrez suivre en direct en intégralité. Une heure d'animaux et une heure d'automobile. Malgré tout, on s'intéressera au mondial de l'auto comme il se doit, car c'est l'actualité du moment. Christian, oui. Comme on a trois quarts d'heure à passer ensemble, on va les consacrer aux questions des auditeurs, hein, en non-stop. N'hésitez pas, 3216 ou maison@rmc.fr, et on accueille tout de suite Marlène. Oui, bonjour tous les deux. Bonjour Marlène. J'écoute toutes les semaines. C'est sympa, merci beaucoup Marlène. Je vous en prie. On vous écoute. Alors, nous allons aménager dans un immeuble neuf. Oui. Et nous avons un grand garage en sous-sol. Oui. Et malheureusement, on ne peut pas avoir accès à l'extérieur, donc c'est complètement fermé. Oui. Et nous voudrions faire un genre de dressing, vous voyez, mettre des affaires d'hiver et d'été, enfin changer, parce que il est grand, on voulait mettre des placards. Alors, c'est pour l'humidité, qu'est-ce qu'on peut faire ? Pour ne pas avoir d'humidité, est-ce qu'il y a des appareils qui sont valables ou il y a autre chose à faire ? Ben écoutez, la première des choses, c'est de trouver le moyen de faire une ventilation. Vous n'avez aucune ventilation possible dans ce garage ? Ben non, c'est... Non, tout est fermé, c'est un bunker, quoi. Voilà. oui, on n'a pas d'accès extérieur, bon. Enfin, à part dans... À part la porte. Parce qu'autrement, la voiture aurait du mal à rentrer. Oui. Vous pourriez peut-être commencer déjà par mettre deux petites grilles sur la porte. Ça permettrait une grille haute, une grille basse. Oui, ça permettrait mais c'est une porte en fer. Vous savez comment on fait, la grille. Écoutez, vous savez, le fer, ça se perce. Hein. C'est pas impossible. Vous êtes en propriété ou en copropriété ? On est propriétaire, mais c'est une copropriété. Ah, une copro. Donc de toute façon, pour faire un perçage dans ce type de porte, il faudrait que vous demandiez l'autorisation, du syndic. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, j'imagine que vous avez l'électricité dans ce garage. Oui, bien sûr. Donc, ne serait-ce que pour y voir clair, eh bien là, la seule solution véritable, c'est un déshumidificateur électrique qui va puiser, absorber l'électricité, l'humidité, et ensuite donc, ce qu'il faudra, c'est que soit vous avez une possibilité d'évacuation de l'eau de façon naturelle, c'est-à-dire par gravité, ou bien vous n'en avez pas, et à ce moment-là, vous allez remplir un réservoir qu'il faudra vider pratiquement tous les jours ou tous les deux jours. Ne vous inquiétez pas, l'appareil s'arrête de lui-même quand évidemment le bac est plein, mais c'est une contrainte, mais vous allez voir que là vous allez assainir sans aucun problème. Les petits absorbeurs d'humidité ne sont pas suffisants dans un cas comme celui-ci. Vous allez voir que si en plus la pièce est déjà un peu humide, vous allez tirer plusieurs litres d'eau par jour. On se rend bien compte lorsqu'on fait fonctionner ce type de matériel à quel point il y a de l'humidité. Alors l'humidité, elle va être générée aussi par le fait que vous allez y vivre. C'est le fait de respirer simplement qui libère évidemment de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, mais ça sera un matériel, c'est un bon investissement, vous ne le regretterez pas. Attention, suivant ce que vous faites dans cette pièce, si jamais vous deviez en faire une chambre, il faut prendre un matériel extrêmement silencieux pour être en dessous des 50 dB qui font que on ne gêne pas le voisinage. Mais c'est surtout quand on ne gêne pas soi-même. Et oui, surtout. Oui, mais enfin, comme elle est en copro, le voisinage. C'est rare quand même, il faudra vraiment que ça soit très bruyant pour que ça sorte à l'extérieur. Vous avez aussi la possibilité de mettre un climatiseur mobile qui lui effectivement fera à la fois climatisation et pourra avoir une fonction de déshumidification. Marlène, merci. Christian revient dans un instant sur RMC dans ce week-end des experts maison avec, comme je disais, une émission un peu exceptionnelle. Place à toutes vos questions jusqu'à 10h en non-stop. On revient dans un instant. À tout de suite. RMC, votre maison. Tiens, encore une nouvelle fraîche de Carrefour Market. J'ai envie d'une viande fondante, avec du caractère. Du vrai faux filet Michel, voilà ce qu'il vous faut. Jusqu'à ce soir chez Carrefour Market, la barquette de faux filet 3 étoiles origine France est à seulement 9,90€ le kilo. Ça tombe à point, vous me mettez l'eau à la bouche. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. Et aujourd'hui, comme tous les samedis chez Carrefour Market, c'est moins 10% sur toute la boucherie. Crédité sur votre carte de fidélité. Viande bovine, faux filet, 3 étoiles à griller. La barquette de 5 pièces minimum, modalité et magasin participant sur carrefourmarket.fr. Et si on profitait encore plus du réseau mobile numéro 1? Moi, chez Orange, j'ai un forfait mobile Play à 14,99€ pendant 12 mois, puis 24,99€. Et moi, chez Orange, j'ai 20 gigas avec mon forfait. Moi, chez Orange, je profite des 20 gigas sur le réseau mobile numéro 1. Pour une fois que t'es premier quelque part. Avec Orange, profitez de 20 gigas à petit prix sur le réseau mobile numéro 1. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Tarif réservé aux clients open jusqu'au 16 novembre en métropole avec portabilité du numéro et engagement 12 mois. Conditions et coupons de remboursement sur orange.fr, réseau numéro 1 selon l'enquête Arcep de juillet 2016. Ce temps chez Renault, la French Touch se met au rugby avec des portes ouvertes exceptionnelles du 13 au 17 octobre. Pilier de la sélection, nouveau Scénic, impressionnant de design et de technologie. Et oh joli, Twingo, Captur et Mégane, au meilleur de leur forme avec Easy Pack. Oui, Easy Pack, sans apport, 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Voilà qui promet de très belles portes ouvertes. French Touch, touche française. Easy Pack, pack tout inclus. Ouverture dimanche 16 selon autorisation dans le réseau participant. Voir Renault.fr. Si vous essayez de vous garer depuis une heure et que dans votre tête, ça fait... C'est que vous conduisez Citroën C4 à partir de 175€ par mois sans condition avec le pack Smile & Go. Entretien garanti et assistance inclus. Et pendant le mondial de l'automobile, profitez de reprises exceptionnelles sur toute la gamme Citroën. Citroën. Location longue durée 36 mois, 30 000 km après un premier loyer de 2100€, offre valable jusqu'au 31 octobre sous réserve d'acceptation par crédit par. Détails sur castor.citroën.fr. RMC, votre maison. François Sorel, Christian Pesset. Nous voilà de retour avec, bien sûr, votre rendez-vous maison jusqu'à 10h sur RMC. Le week-end des experts, la maison. On est là. Avec vos questions bricolage maison déco. Christian PC qu'on peut retrouver aussi, vous le savez, 24h sur 24 sur maisonbrico.com. Avec beaucoup de tutoriels, des vidéos, plein de reportages. Le site qu'il faut visiter, c'est d'être un fan de bricolage. Poser des questions. Christian, on enchaîne tout de suite avec Farid qui est avec nous et qui nous a appelé au 3216. Bonjour Farid. Bonjour Farid. Oui, bonjour. Merci pour votre émission parce qu'on apprend beaucoup avec c'est vous. Sympa. C'est sympa. Voilà. Je vous avais téléphoné il y a quelque temps parce que j'avais un problème de carrelage. Il se fissurait un peu. Et voilà. Et l'état extrêmement compact de la chape et de sa fissuration sur toute la hauteur m'amène à conclure que le désordre est la conséquence d'un important retrait de la chape qui peut provenir d'une pose prématurée sur le support récent ou d'un dosage au ciment trop riche, ainsi que d'un excès d'eau. Voilà. Alors l'assurance me rembourse mon carrelage, simplement j'ai contacté 3 carreleurs, il n'y en a aucun qui veut engager sa responsabilité. Sa responsabilité, parce que ils pensent que le plancher bouge, l'immeuble bouge, et que si ils refont du carrelage. Et oui, après que vous les rappeliez pour refaire s'il y a des problèmes. Voilà. Bon ben moi je vais vous trouver une solution. Bien sûr, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, si effectivement vous suspectez le sol de bouger, eh bien il faut arriver à poser votre carrelage sur un sol qui ne va pas bouger. Et ça, c'est possible. Il suffit par exemple que vous fassiez une chape sèche avec de la plaque de plâtre spécifique pour le sol. Il suffit que vous fassiez même un doublage du sol avec un panneautage en OSB par exemple, ou même en panneau de particules, voire en panneau de fibre. Et puis à partir du moment de ce moment-là, ce panneautage, lui, il va pas bouger, il va pas se fendre, et votre carrelage, il va pas se fendre. Parce que moi, je suis pas trop du métier, parce que j'ai contacté un carreleur qui a été meilleur ouvrier de France en 2004. Oui. Il me dit qu'il va recoller dessus le carrelage. Ça, est-ce qu'il peut le faire? Oui, il peut le faire. Bien sûr, c'est tout à fait jouable. Mais si il y a véritablement des mouvements structurels du bâtiment, les fentes du carrelage vont se reporter risque de se reporter sur le nouveau carrelage. Ce qu'il faut à ce moment-là, c'est que ce carrelage-là, le nouveau carrelage, j'en ai parlé, je crois, la semaine dernière, prenez un carrelage ultra mince, slim, comme on dit, et qui, lui, va être posé avec une colle flex, c'est-à-dire une colle légèrement flexible. Et là, voilà, normalement... C'est ça qu'il m'a dit. Eh ben, voyez, voilà. Je suis pas meilleur ouvrier de France, mais je vous donne le même conseil. D'accord, et mon avis, voilà le problème. Voilà, ma deuxième question, c'est que ça s'est fissuré sur le carrelage, mais ça se fissure au plafond maintenant. Eh bien, ça veut dire que là, il y a combien de temps votre... C'est quoi, c'est une maison, c'est un appartement? Non, c'est un immeuble. Il est récent, il a 8 ans. Il a 8 ans. Il est de 2008. Vous êtes copropriétaire? Eh oui. Eh bien, à ce moment-là, si la fissuration devient trop importante et risque de compromettre ce qu'on appelle la destination de l'ouvrage, c'est-à-dire son utilisation normale, c'est la garantie décennale qui entre en jeu. Donc, c'est la garantie décennale et c'est la garantie de dommage ouvrage au niveau de la copropriété. Donc ça, ce qu'il faut, c'est que vous fassiez faire une réunion de copropriétaires avec une expertise. Alors, normalement, c'est à la copro de faire l'expertise, mais si elle traîne, faites-la faire vous-même et puis arrivez avec votre expertise. Tout ça, ça a été fait. Eh ben tout ça, ça a été fait. Simplement, les micro-fissures. L'expert, il est venu deux fois. Oui. Au départ, elle faisait 30 cm. Maintenant, on arrive à 1,50 m. Oui. Et voilà. Alors, je vais demander encore une contre-expertise. Parce que moi, mon plafond, c'est du béton armé. Hein. Oui. Eh oui. C'est du béton armé, c'est pas du placo. Hein. Oui, j'ai bien compris. Du béton armé, moi, je veux que... Ben, c'est normal. Et, l'expert, il est bien gentil. Il me dit, bon, c'est uniquement esthétique. Oui, non, mais attendez. Ouais, c'est l'expert de qui? C'est l'expert de l'assurance? C'est l'expert de l'assurance. Eh bien, oui. Payez-vous un expert. Je ne doute pas, les experts sont tous parfaitement honnêtes. Mais enfin, ils sont quand même payés par quelqu'un. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Bon. Vous pensez que je peux avoir des dommages, quoi? Ah, bah oui, et puis surtout, je pense qu'il faut, s'intéresser à des fissures, même si elles sont micro, il faut s'intéresser donc à leur évolution. Parce que ça évolue en largeur, une fissure, mais à l'évidence, ça évolue aussi en longueur. Donc, de toute façon, faites aussi un courrier à votre syndic en disant qu'il prendrait la responsabilité si un jour le plafond vous tombait sur la tête. Vous savez, on parle beaucoup des Gaulois en ce moment, mais ça peut arriver aussi. Dans les immeubles et dans les maisons. Ah là là, Christian, on revient dans un instant. D'ailleurs, je pourrais revenir là-dessus, mais les Gaulois ne sont absolument pas nos ancêtres. En plus. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a eu une grosse polémique là-dessus. Vous vous rendez compte, à chaque fois que vous mettez un grand-parent, deux grands-parents, à chaque fois vous remettez des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, vous vous rendez compte pour arriver aux Gaulois, pour qu'il y ait une chance. La dilution, oui, c'est pour sûr. Pour qu'il y ait une chance d'un gène des Gaulois, bonjour. Christian, on revient dans un instant, on poursuit avec les questions 3216 ou bien maison@rmc.fr. À tout de suite. Rejoignez les experts maison sur leur page Facebook, votre maison sur RMC. J'ai adoré notre premier rendez-vous, Magali. C'est vrai. Ouais. Je dois t'avouer que j'étais séduite par. Mais la biscuit, je dois filer. Aujourd'hui, le rôti de bœuf 2 étoiles origine France est à 7,49€ le kilo chez Netto. On ne peut pas lutter contre une alerte discount. Netto, le discounter qui fait la différence. Viande bovine rôtie, 1 kilo environ. Pour vous, Conforama bat tous les records. Jusqu'au 25 octobre, profitez des prix imbattables comme le lien métal Anna 140 cm à 69,99€ seulement. Ah, les records à battre Confo. Qui fait mieux ? Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions sur conforama.fr. Carrefour. Franck, tu sais que la foire au vin continue chez Carrefour ? Oui, d'ailleurs, j'ai repéré une bouteille de Homé de Crouge Château Miquelet 2012. Ah oui, une belle robe grenade, des notes de fruits rouges. Et pour une bouteille achetée, la deuxième est gratuite. Sans parler de la sélection de Paolo Basso, meilleur sommelier du monde 2013. Ah bah si, parlons-en. En ce moment, c'est la foire au vin dans vos hypermarchés Carrefour. Par exemple, pour une bouteille de Homé de Crouge Château Miquelet 2012 achetée à 9,90€, la deuxième est gratuite, soit 4,45€ la bouteille. 55 000 bouteilles disponibles. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Carrefour. Intersport. Vous allez adorer l'anniversaire Intersport. Du 5 au 15 octobre, choisissez un maillot réplica junior ou adulte et bénéficiez de moins 50% sur le deuxième maillot. Oui, votre deuxième maillot à moitié prix. Dépêchez-vous. Intersport, le sport commence ici. Offre valable dans la limite des stocks disponibles, conditions et liste des magasins participants sur intersport.fr. Le prix inratable chez U cette semaine, c'est 5 pains au chocolat et 5 croissants sélection U au beurre plus 5 chaussons aux pommes U à 3,50€ seulement. Bien. 3,50€ les 15 viennoiseries. Inratable. Produit transformé en France, 1,025€, soit 3,41€ le kilo. C'est jusqu'à samedi au rayon pain pâtisserie viennoiserie dans les Hyper U et Super U participants équipés d'un point de cuisson. Liste sur magasinu.com. les nouveaux commerçants. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Et on jette un œil sur la météo maintenant, la météo de votre week-end avec Jérémy Suliman. Bonjour Jérémy. Et bonjour François, bonjour à tous. Si vous êtes sur le littoral de la Manche, dans les Vosges ou en Corse aujourd'hui, eh bien quelques averses localisées vous attendent. Pas de pluie, mais des nuages dans le sud-ouest et sur la moitié nord du pays ce matin. Des nuages qui vont laisser place à de belles éclaircies au cours de l'après-midi. Et partout ailleurs en France, eh bien ce sera du soleil. Les températures cet après-midi comptent entre 14 et 24 degrés. On attend 15 degrés à Strasbourg et Lille, 17 à Paris, Lyon et Clermont-Ferrand. 21 degrés à Marseille et 24 à la maximale pour Ajaccio en Corse. La météo avec Atlantique. Chaudière, pompe à chaleur et radiateur connectés. Bah Atlantique quoi. RMC 9h30, un point sur l'actualité avec Thomas Chupin. Thomas, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. L'ouragan Matthew, il a perdu un peu de sa puissance lors de son passage sur la côte est des États-Unis. 4 personnes ont malgré tout perdu la vie, mais c'est en Haïti qu'il a tout ravagé. Près de 900 morts sur l'île et le bilan n'est que provisoire. La campagne présidentielle aux États-Unis et ses dérapages quasi quotidiens. Donald Trump au cœur de la polémique. Hier, c'est une ancienne vidéo qui ressortait. Le candidat républicain détaillait avec des mots très crus de quelle manière il peut tout se permettre avec des femmes dès lors qu'il est connu. Vidéo d'excuses publiée dans la nuit de la part de Donald Trump dans laquelle il ne peut s'empêcher d'évoquer les frasques sexuelles de Bill Clinton, le mari de sa rivale. C'est cet après-midi que le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit. Le sort de la ville d'Alep en Syrie entre ses mains. Un texte visant à instaurer un cessez-le-feu doit être voté. Texte russe sans la mention d'arrêt des bombardements. Ou plus ambitieux, le texte français, mais Moscou refuse de s'engager. Deux référendums, deux nouvelles propositions du candidat Nicolas Sarkozy. Il était l'invité du 20 de France 2 hier soir. Le candidat à la primaire, les Républicains, souhaite organiser deux scrutins dès la fin de l'élection présidentielle. Scrutin sur le regroupement familial et sur l'internement des fichiers S. Plus 1,6% l'augmentation du prix du gaz. C'est une information du Figaro. Augmentation effective au début du mois de novembre. Cela concerne 7 millions de foyers. 4-1. Il y avait du spectacle hier soir sur la pelouse du Stade de France. Victoire des Bleus du foot face à la Bulgarie. Payet, Griezmann et doublé de Gamero. Prochain rendez-vous avec les Bleus lundi face aux Pays-Bas. Et puis la Formule 1, vous l'avez vécu sur RMC ce matin, les qualifications du Grand Prix du Japon à Suzuka. C'est Nico Rosberg sur Mercedes qui a fait le meilleur temps. Belle perf du français Romain Grosjean, 8e sur la ligne de départ. 9h32 sur RMC. Christian Pesset, François Sorel, votre maison. 32-16 touche 1. Réagissez en direct sur RMC. Christian Pesset. Oui. Attention, je suis l'heure de la question flash. Oui, allez-y. En moins de deux minutes, vous vous engagez. Oui, pardon. Je m'engage. Répondre je à la question m'engage. De Charles. Ben justement, vous allez voir qu'il y a une question de dégazage. Je possède justement, vous avez raison, une cuve à fuel enterrée. Oui, j'ai vu ça. Mais qui ne sert plus, nous dit Charles. Oui. Posera-t-elle des problèmes en cas de vente de la maison? Ah oui, certainement. Parce que depuis 2004, lorsqu'on a une cuve qu'on qualifiera de désaffectée, c'est-à-dire qu'on n'utilise plus, eh bien, il faut procéder à son dégazage, c'est-à-dire l'élimination des vapeurs, et à sa neutralisation. Alors, le dégazage, donc, je le disais, c'est l'élimination des vapeurs qui traînent dans cette cuve, mais aussi le pompage des résidus. Et ensuite, on arrive au problème à qu'est-ce qu'on en fait de cette cuve. Alors, on a deux solutions. Ou bien on la neutralise, c'est-à-dire qu'on va la remplir de sable ou de béton liquide. Et ça va permettre justement d'éviter quoi ? Eh bien, ça va éviter que une fois que la cuve sera complètement corrodée, pourrie, eh ben qu'on y ait un trou, parce qu'on va pouvoir, on risquerait, ah oui, si vous voulez, de passer au travers. Donc, je vous le disais, neutralisation par du sable, remplissage ou du béton. Ou bien, il y a la solution radicale, c'est de l'enlever. Oui. L'enlever, ça doit être compliqué. La faire enlever. Alors, la faire enlever, c'est compliqué. Il faut évidemment la déterrer. Il faut arriver avec des moyens de levage. Alors, de toute façon, il faut être clair, dans les trois cas que je viens d'évoquer, ce sont des pros qui interviennent. Bien sûr. Ce sont pas, oui, c'est pas vous qui allez le faire, d'autant qu'il y a la nécessité d'avoir un certificat qui vous soit délivré. Alors, est-ce que ça va poser un problème en cas de vente si vous ne l'enlevez pas? Oui, parce que ça va être considéré comme un vice caché si vous n'informez pas l'acquéreur qu'il y a là une cuve et que vous auriez dû, de toute façon, l'éliminer. Et voilà, c'est un peu comme l'amiante finalement. Hein. C'est un peu. 32-16 hein, pour toutes vos questions maison. À tout de suite sur RMC. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 732-16. 65 centimes par envoi, plus prix du SMS. RMC, votre maison. François Sorel, Christian Pesset. Une excellente matinée avec nous, c'est RMC. Et jusqu'à 10h, c'est le week-end des experts. La maison avec le seul, l'unique. C'est moi. Christian PC. Merci. Notre king of the bricolage qui attend vos questions avec, vous le savez, une émission raccourcie en raison des essais qualificatifs du Grand Prix du Japon que vous avez pu suivre tout à l'heure sur RMC. Christian, rappelons que nous avons un super cadeau à vous offrir matin. Oui. On vous offre un laser automatique. On vous offre un laser automatique 360 degrés. C'est vraiment un très beau matériel. Rappelons que c'est pas la température. C'est très utile. 360 degrés. Non, bien sûr. Ça vous permet notamment de déterminer très facilement les lignes horizontales sans avoir à recourir à un niveau à fiole, à un cordeau traceur. Ça vous permet donc, par exemple, si vous faites une chape, une dalle, c'est parfait pour déterminer la ligne de référence, mais ça peut vous servir aussi pour accrocher des tableaux, par exemple, donc en ligne, pour régler une étagère que vous allez poser sur un mur, pour bien caler un meuble. Voilà, il y a une quantité d'utilisation qu'on ne soupçonne pas lorsqu'on n'a pas ce matériel. Voilà, et ce cadeau, ce laser donc à 360 degrés qu'on vous livre avec son trépied, les amis. Et on super. On ne se moque pas de vous. On vous l'offre par SMS. Vous nous envoyez le mot maison par SMS au 732-16. Maison, SMS 32-16. Voilà. Et vous participez au tirage au sort. C'est RMC qui vous l'offre et le magazine System D. Et nous accueillons Bernard tout de suite. Bonjour Bernard. Oui, bonjour. Bonjour Bernard. Bonjour. Oui, donc je suis Bernard de Rélois. Ah, oui. C'est bon. C'est et bon. Voilà, j'ai un grenier où il y a de la laine de verre ancienne. Oui. Est-ce que je peux remettre de la laine de roche par-dessus ? Alors, laine de roche, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. C'est juste une question de fabrication. Il y a très peu de différence entre les deux produits. Moi, je ne suis jamais très très favorable à remettre du neuf sur de l'ancien. Oui. Je sais pas à quel âge votre laine de verre actuellement. Ben, la première couche, parce que c'est une dalle en béton. Oui. La première couche qui est sur le béton, elle est noire. Donc celle-là, elle est complètement morte. Ben alors. Et il en a été remis plusieurs couches par-dessus. Ouais. Donc celle-là, ben je ne sais pas, parce que c'est une maison que j'ai achetée il y a 4 ans. Ouais. Et la laine de verre était déjà existante. Dégagez-moi tout ça. Allez, c'est pas le prix le prix du produit et c'est du rouleau ou c'est du vrac? C'est du rouleau. Alors, moi, je vous conseille, dégagez ces rouleaux qui, fatalement, bon, alors, sont anciens, vous me dites qu'ils sont devenus noirs, ça veut dire qu'il y a eu de l'humidité, donc ça n'isole plus rien. En plus, la qualité des produits d'il y a 20, 30 ans, quand j'entends la qualité, je veux dire, la capacité d'isolation est bien moindre que celle d'aujourd'hui. Vous enlevez tout, vous mettez 40 cm laine de verre, laine de roche. Bon, si vous vouliez mettre de la ouate de cellulose, vous pourriez, mais peu importe. Vous prenez un produit neuf, vous en mettez, je vous dis, une quarantaine de centimètres, et puis ça va être bon. Vous allez avoir quelque chose là qui va tenir le coup, qui va vraiment être isolant, quoi. Oui. Ça vaut pas le coup de mégoter, pardonnez-moi l'expression. Non, mais parce que j'ai contacté une entreprise, et puis ils m'ont fait un devis, et sur le devis, ils mettaient qu'ils enlevaient l'ancienne laine de verre. Oui. Mais quand ils sont venus avec deux sacs poubelles et ils ont enlevé deux sacs poubelles de laine de verre et ils ont balancé la laine de roche. Non, faut vraiment que tout soit bien nettoyé, que faut des pros. Ça veut dire qu'il faut par exemple aussi répertorier avec des piges tous les endroits où il y a un boîtier électrique, où il y a un équipement. Par exemple, il faut bien protéger si vous avez un caisson de VMC, il faut bien le protéger. C'est quand même une affaire de pro, même si. Si on est un bon bricoleur et qu'on prend toutes ces précautions, qu'on va voir des tutoriels, effectivement des vidéos sur internet, eh bien on peut le faire soi-même. Mais à ce moment-là, il faut louer un matériel à projeter, enfin à diffuser l'isolant. Et on peut le faire soi-même. Oui. Mais bon, attention, là, hein, si on le fait soi-même, il faut bien se protéger, avoir c'est pas véritablement très nocif, mais c'est très désagréable, parce que ça gratte, hein, la plupart de ces laines grattent quand on les épand. Mais oui, allez-y, changez-moi tout ça. Et puis en plus, de toute façon, c'est votre résidence principale. C'est tout à fait ça, oui. Alors, vous avez 30% de crédit d'impôt sur le matériel, c'est-à-dire sur le produit, et sur la main-d'œuvre. Ah, alors, oui. Profitez-en. Oui, d'accord. Profitez-en. Voilà Bernard. Bon, ben je vous remercie. Je vous en prie. Allez, bonne journée. Au revoir. Voilà, et si tout comme Bernard, vous voulez joindre Christian PC, c'est le moment où jamais les amis, le 3216 ou bien maison. @rmc.fr. Ça résonne un petit peu parce que, voilà, si vous voulez, on était au téléphone avec notre ami. Christian. Oui. Si on faisait une petite question mail comme ça, là, brûle pour point, ça vous va? Allez-y, brûlez-moi le point. non, je ne me permettrai pas. Émilie, je viens d'acheter une maison des années 70, nous dit Émilie, et les murs de l'entrée sont en crépi. Oui. C'est parfait pour se faire des griffures, nous dit Émilie. Elle a dû tester. C'est gratte-coude. C'est vrai que ça fait mal. Comment l'enlever, ce crépi? Alors, comment l'enlever? Certains de ces crépis sont stripables. Ça veut dire que, comme certains papiers peints, ils peuvent se décoller tout simplement. Alors ça, c'est assez rare, malheureusement. Mais à ce moment-là, vous décollez le haut et ça vient tout seul. Bon, c'est rarement le cas. Donc après, il y a deux solutions. Soit on emploie un enduit dit de garnissage. Vous en trouvez aujourd'hui de différentes marques dans le commerce. Alors c'est un enduit qui est pratiquement autolissant, enfin très facile à lisser, et qui va reboucher toutes les anfractuosités et recouvrir les pointes du crépi. Donc c'est une très bonne solution. On prend des grandes raclettes pour ça. Il y a Tout Prêt, par exemple, qui fait un très bon produit dans ce domaine. Et puis il n'y a pratiquement même pas besoin de poncer. Et puis sinon, l'autre solution, vous faites un doublage en plaque de plâtre. Vous pouvez en profiter pour faire une isolation. Mais si c'est un couloir, ça va réduire d'autant, c'est-à-dire qu'on va finir par plus pouvoir passer. Donc, c'est peut-être pas la bonne solution. Il vaut peut-être mieux recourir là, plutôt à l'enduit de garnissage. Voilà. Et si tout comme donc cette auditrice, vous voulez joindre Christian PC, ça se passe au 3216, les amis, 3216 ou maison@rmc.fr. On va revenir dans un instant et on enchaîne avec Aurélien. Son ami vient d'emménager dans une maison et l'ancien propriétaire a rénové la maison et l'installation électrique. Sauf que lorsqu'ils ont emménagé, tout a grillé. Ah, Christian. Ah, bon. On parle pas de barbecue là, attention. Non, d'installation électrique. Je vais essayer de faire des étincelles. Ouh là là, ça je... Dans ma réponse. Je n'en doute pas une seule seconde. À tout de suite, c'était RMC, on revient dans une minute les amis. RMC, votre maison. RMC, football. Lundi, l'équipe de France se déplace aux Pays-Bas en match qualificatif à la Coupe du Monde 2018. Début de l'échauffement, dès 18h avec Christophe Dugarry et toute la Dream Team Foot d'RMC. 20h45, coup d'envoi du match Pays-Bas-France et débriefing dans l'after jusqu'à minuit. Pays-Bas-France en direct d'Amsterdam, c'est lundi sur RMC, la radio pas comme les autres. Carrefour. Val, tu sais qu'en ce moment, c'est la foire au vin chez Carrefour. Oh, tu fais bien d'en parler. On a 50% de remise immédiate sur la bouteille de champagne Montaudon, cuvée du fondateur, soit 13,50€ la bouteille. Ah oui? Et en plus, tu peux découvrir la sélection de Paolo Basso, meilleur sommelier du monde 2013. Mais toi aussi, t'es la meilleure. En ce moment, c'est la foire au vin dans vos hypermarchés Carrefour. Par exemple, profitez de 50% de remise immédiate sur la bouteille de champagne Montaudon, cuvée du fondateur, soit 13,50€ la bouteille. 60 000 bouteilles disponibles. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Carrefour. Il y a des prix qui vous font dire... Non, c'est pas grave. Avoir froid, c'est bon pour la circulation, alors. Et il y a les prix Leroy Merlin. Jusqu'au 17 octobre, 15% de remise sur les radiateurs Équation à partir de 3 radiateurs achetés parmi les gammes Virtuoso, Alidea, Lirao et Esus. Garantie des pièces électroniques pendant 3 ans, incluses. Chez Leroy Merlin, les prix vous font dire... Là, je suis sûr de faire le bon achat. Leroy Merlin, et vos envies prennent vie. Hors promotion et commande en cours, panachage possible. Forfait mobile, 2 euros de free. C'est 2 heures d'appel. Les SMS et MMS illimités. 50 mégaoctets d'internet en 4G. Le tout sans engagement. Et même 0 euros par mois si vous êtes abonné Freebox. Difficile de faire moins cher. Merci Free. Plus d'infos sur mobile.free.fr. Kit main libre recommandé, alors mets-le. Assume ton kit main libre. J'ai adoré notre premier rendez-vous, Magali. C'est vrai. Ouais. Je dois t'avouer que j'étais séduite par... Mais la discount, je dois filer. Aujourd'hui, le rôti de bœuf 2 étoiles origine France est à 7,49€ le kilo chez Netto. On ne peut pas lutter quand on a l'air discount. Netto, le discounter qui fait la différence. Viande bovine rôtie, 1 kilo environ. Le prix inratable chez U cette semaine, c'est 5 pains au chocolat et 5 croissants sélection U au beurre plus 5 chaussons aux pommes U à 3,50€ seulement. Bien. 3,50€ les 15 viennoiseries. Inratable. Produit transformé en France. 1,025€, soit 3,41€ le kilo. C'est jusqu'à samedi au rayon pain pâtisserie viennoiserie dans les Hyper U et Super U participants équipés d'un point de cuisson. Liste sur magasinu.com. U, les nouveaux commerçants. Pour votre santé, évitez de grignoter. RMC, votre maison. François Sorel, Christian Pesset. Voilà de retour, suite et fin de ce rendez-vous maison sur RMC, ce rendez-vous exclusif hein, que vous retrouvez chaque samedi chez nous. Christian PC m'accompagne, il répond à toutes vos questions bricolage, maison, déco, dites-le autour de vous et n'hésitez pas à nous appeler. Faites-le savoir. Ou alors vous pouvez nous joindre par mail aussi, hein, c'est très facile, maison@rmc.fr. En laissant votre numéro de téléphone, évidemment. Plus pratique après pour qu'on puisse vous rappeler dans la foulée. Christian, nous avons Aurélie qui nous attend. Aurélien. Bonjour Aurélien. Bonjour. Ouais, effectivement, vous n'avez pas la voix d'une Aurélie. Non, pas trop, mais c'est pas grave. Vous savez, on est tellement charmé par Aurélie, notre productrice, que parfois, nous avons des Auréliens, on pense que c'est Aurélie. C'est pour ça. Je peux comprendre. Alors, on vous écoute, Aurélien. Alors, je vous appelle, suite à... Voilà, j'ai des amis hier qui ont signé une maison sur laquelle j'étais passé quelques mois avec eux pour la visiter, qui me paraissait... Les gens avaient l'air de bonne foi, avaient fait 100 000 euros de travaux sur une maison avec un artisan qui est généraliste du bâtiment. Ouais. Donc, tout le gros œuvre a été refait, intérieur, placo, tout, l'isolation et l'électricité. Donc moi quand je suis passé, c'est vrai que j'ai vu que ce que je voyais, j'ai pas démonté rien du tout. Hein. Je suis électricien, un artisan, moi. Donc c'est pour ça que j'étais venu voir la maison. Et puis là, il s'avère qu'on a commencé à déménager hier. Et quand il a remonté, il s'est rendu compte de rien. Et en final, moi quand je suis arrivé, en fait la cata, l'intérieur du tableau était complètement mal fait. C'était ni fait ni à faire. Aïe, aïe. Et en fait, le neutre étant pas recordé correctement, il s'est détaché et la maison s'est retrouvée en 380. Ce qui fait que tous les appareils électroménagers qui étaient vendus avec la maison, qui étaient comme une cuisine aménagée, tout ça, il y a des tout ce qui est électronique, hein, l'interphonie, les télésautomatismes de portail, tout ça, tout a dégagé. Et ma question est-ce qu'ils ont un recours? Alors c'est assez stupéfiant parce que de toute façon il y a un diagnostic électrique qui est joint. Il y a un diagnostic, moi j'avais eu en ma présence. Le problème c'est que le diagnostic ne faisait état que de fils apparents qui n'étaient pas, pour moi c'était des détails, je veux dire des gaines qui n'étaient pas attaquées. C'était des défauts mineurs. Voilà, c'était que des défauts mineurs, il y avait les interdits, il y avait tout ce qu'il fallait apparent. Moi quand j'ai fait la visite, j'avais signalé à la propriétaire, j'ai dit... C'est une entreprise générale qui avait fait ça. Je dis, le gars, c'est pas correct. Ils vous ont mis du matériel bricot dépôt, pardon, si je cite la marque, matériel USB, petite marque, dans le tableau. Je dis, c'est pas correct pour des professionnels. Ce qu'il y a dans le tableau, c'est impossible d'acheter ça en magasin professionnel. Les marques, les courantes sur le secteur, je les connais par cœur. Ça, c'est pas c'est pas un professionnel correct qui a fait ça. Ouais. Elle m'a dit, je me suis fait peut-être avoir, machin, elle a fait comme ça, ça peut arriver. Hein, comme c'est une entreprise généraliste, je ne sais pas que l'électricien s'il est correct ou pas dedans. Alors, j'ai à vous dire, le recours, à partir du moment où il y a eu un diagnostic, que ce diagnostic n'a pas révélé des défauts majeurs, il faudrait pour que vos amis aient un recours, il faudrait que vous puissiez démontrer qu'il y a eu une volonté affirmée de cacher. Un vice. C'est-à-dire qu'il faudrait que vous démontriez que le vendeur savait qu'il y avait une malfaçon et que d'une certaine manière, il vous l'a caché. Ça va être bien difficile. Très difficile. Ça va être bien difficile. Les factures du généraliste. Le problème, c'est que la facture du généraliste dit des grandes lignes. Mais il ne dit pas qu'il a refait l'électricité. Donc nous, on l'a appelé, on lui a dit, vous n'avez pas une facture d'électricité. Et maintenant, son discours, il change. La propriétaire, on l'a appelé hier soir, parce que moi, je suis venu les dépanner dans l'urgence. Oui. Et la propriétaire dit, en fait, c'est moi qui ai fourni le matériel électrique. Alors qu'il y a deux mois, quand on a visité la maison. Quand on a visité la maison il y a deux mois, elle était surprise d'avoir du matériel dépôt dans ses tableaux. Donc voilà, en fait... En plus, vous êtes quand même dans un piège. C'est-à-dire que, quelque part, vous lui avez signalé avant d'acheter que vous trouviez qu'il y avait des défauts. Vous le saviez. C'est pas des défauts que j'y ai signalé. J'ai dit que c'était pas correct d'avoir acheté des travaux et d'avoir mis du matériel. Je me fais l'avocat du diable. Elle va vous dire, en plus, s'il y avait des témoins autour, elle va vous dire, mais monsieur, vous êtes aperçu, vous m'avez même fait valoir que c'était pas correct. Et donc, elle va vous dire pourquoi vous avez acheté ma maison. moi, je crois qu'il n'y a pas beaucoup, vous n'avez que très peu de recours. Montrez un peu les dents. Montrez un peu les dents, adressez-lui une lettre recommandée avec accusé de réception, donnez-en copie au notaire. Au niveau du notaire, d'ailleurs, vous pouvez peut-être lui dire que vous êtes extrêmement surpris que le diagnostic ait pu être produit, et d'ailleurs vous ferez la même lettre à la vendeuse, au vendeur, c'est de dire que vous êtes extrêmement surpris qu'un diagnostic ait pu valider une installation qui, manifestement, après contrôle et après incident, n'est pas aux normes. Il faudrait faire peut-être aussi une expertise à ce moment-là de l'installation, et que à partir de là vous engagez la responsabilité du diagnostiqueur en qui vous devez avoir confiance, et là vous pouvez peut-être obtenir quelque chose. Mais je pense que c'est sous cet angle-là plus que sous l'angle du vice caché, puisque lorsqu'on vous vend une maison, on vous la garantit pas, si vous voulez. Oui, donc, évidemment que si aussi la chaudière tombe en panne 8 jours après, on va pas pouvoir. La pompe à chaleur est toute neuve, elle était pas allumée. Donc, Pas remonter dans la pompe à chaleur. Ce que vous me dites, en plus, c'est extrêmement surprenant que ça ait pu passer en 380. Donc, ça veut dire qu'en plus, c'était en triphasé. C'est très, très, très, très, très surprenant comme incident. Aurélien, merci pour votre appel. Christian, On enchaîne avec Francine maintenant qui est là. Bonjour Francine. Oui, bonjour. Bonjour Francine, bienvenue sur RMC. On vous écoute. Oui, donc moi je fais faire des travaux avec les aides de l'État, avec l'ANA. Je fais changer mes fenêtres, ma porte d'entrée. Ouais, je fais faire l'isolation du grenier, des combles perdus avec des ouates de cellulose et une VNC. Donc, je voulais savoir s'il fallait que je prenne une assurance dommage ouvrage pour tout l'ensemble. Alors, l'assurance dommage ouvrage n'est à prendre et doit être prise, mais n'est à prendre que sur les parties de la maison couvertes par ce qu'on appelle l'assurance décennale. Et l'assurance décennale ne couvre que les parties structurelles de la maison dont la défaillance pourrait être de nature à rendre la maison inhabitable. C'est pourquoi, globalement, on considère que c'est essentiellement le gros œuvre, même si ça peut aller au-delà, que c'est essentiellement le gros œuvre qui est couvert, les murs, la toiture, les fenêtres. Vous pourriez prendre une dommage ouvrage sur les fenêtres qui, elles, sont garanties, entrent dans le cadre de la décennale, puisque évidemment elles participent à l'étanchéité de la maison. Mais pour tout le reste, par exemple, vous me parlez de la VMC ne peut absolument pas être couverte par l'assurance décennale. C'est garanti. Il y a là une garantie contractuelle avec le fournisseur, et là vous devez l'exiger. Alors généralement c'est 1 an, parfois 2 ans, parfois plus, mais ça c'est une question commerciale. Donc pour tout ce qui est on va me faire des trous dans le plafond. Ah oui, mais ça c'est. Et comme c'est... mon plafond il est en mauvais état, c'est du bacula, ça se fissure. Donc ce ne sont pas les conséquences de travaux d'équipement qui peuvent être couverts par la décennale. C'est si vous refaisiez, votre plafond que là vous demanderiez à l'entreprise de vous faire une garantie décennale. Alors après, l'installation de la VMC conduisait à une dégradation de votre plafond, eh bien ce serait effectivement l'entreprise qui vous met la VMC qui devrait prendre en charge les réparations de ce plafond. Mais ça ne pourra pas être pris en charge par l'assurance décennale au sens général de ce type d'assurance. Et donc, avec la dommage ouvrage, vous savez, la dommage ouvrage, c'est l'assurance qui se substitue donc à l'assurance décennale, et qui se substitue surtout à celui qui l'avait contracté, c'est-à-dire à l'entreprise. C'est-à-dire que, en théorie, parce que c'est un peu idyllique ce que je veux dire, mais en théorie, que lorsque vous avez une assurance dommage ouvrage, vous n'avez pas à vous adresser à l'entreprise qui a fait les travaux, mais vous adressez directement à votre assureur. Donc voilà, interprétez. Mon assureur, d'accord. Mais moi, c'est le même entrepreneur qui me fait la VMC, les fenêtres et tout. Donc, ce qui concerne les fenêtres, il faudrait que je prenne. Donc, il pourrait y avoir, mais bon, c'est très rare qu'on prenne une décennale pour une dommage ouvrage pour les fenêtres, mais c'est jouable. Mais là, après, il faut que votre assureur accepte de le faire, parce que, évidemment, c'est... De faire cette assurance, de vous accorder cette assurance, c'est l'un des autres problèmes, c'est qu'il est difficile de trouver des assureurs pour l'assurance décennale aujourd'hui, malheureusement.

Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec à 14h45, rugby top 14, le derby, Racing 92, Stade Français Paris, suivi à 18h30 des autres rencontres. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. Vous écoutez RMC, les grandes gueules du sport arrivent à toute vitesse après le journal présenté par Guilhem de Prévoisin. Bonjour Guilhem. Bonjour Serge, bonjour à tous. Plusieurs milliers de manifestants se mobilisent en ce moment même sur le site de Notre-Dame-des-Landes. Opposés à la construction de l'aéroport, ils vont converger vers la ZAD. L'évacuation du site est une question de jours, voire de semaines. Malgré la menace d'intervention des forces de l'ordre, ils n'ont pas du tout l'intention de quitter les lieux. Camille est un zadiste. Aujourd'hui, tout est prêt pour accueillir les opposants, mais surtout pour défendre le lieu coûte que coûte. Le message, c'est de dire, nous sommes là et nous serons là. Nous plantons nos bâtons aujourd'hui dans le sol de Notre-Dame-des-Landes et si demain, vous venez attaquer la ZAD, eh bien, il y aura de nouveau des dizaines de milliers de personnes qui viendront reprendre leurs bâtons et être présents sur leur terrain et qui résisteront ensemble. La manifestation d'aujourd'hui, elle est là pour dire on ne le laissera pas faire. Il y a des médecins qui se sont engagés à être là pour soigner d'éventuels blessés, des grimpeurs qui se sont engagés à être là pour monter dans les arbres en cas d'attaque, des agriculteurs qui mettront en jeu leurs tracteurs. Et c'est pour ça qu'on a l'impression aujourd'hui que cette lutte, elle est proprement indéracinable. Des propos recueillis par Anaïs Donnet pour RMC. D'autres manifestations ont lieu aujourd'hui dans le Var, des manifestations pour et contre l'accueil des migrants. Dans la ville de Pierrefeu, pas moins de 3 rassemblements auront lieu. 60 migrants de la jungle de Calais vont arriver dans la commune dans les semaines qui viennent. La primaire à droite et Nicolas Sarkozy fait de nouvelles propositions dans sa campagne. Invité sur le plateau du journal de 20h, il promet 2 référendums sur le regroupement familial et les fichiers S les plus dangereux. S'il est réélu président, Nicolas Sarkozy organiserait ces référendums le jour du deuxième tour des législatives. Le 18 juin. Situation catastrophique. En Haïti, 900 morts et plus d'un million de sinistrés après le passage de l'ouragan Matthews. Des villes entières ont été ravagées. Certaines zones de l'île restent encore inaccessibles. Les promesses de secours de la communauté internationale affluent. La France doit envoyer des membres de la sécurité civile et près de 32 tonnes de matériel. L'ouragan Matthews qui poursuit sa dangereuse remontée de la côte est des États-Unis. Il a perdu un peu de sa puissance. Il est passé du niveau 5, le maximum, au niveau 2 avec des rafales à 175 km/h. 4 personnes ont déjà perdu.